C'est bon là, J'aurais dit bonjour. c'est parti. Ben bonjour, c'est dimanche, c'est la cale, et c'est une nouvelle campagne qui se lance sur un jeu connu sur la chaîne, puisqu'on a déjà quoi, deux bonnes campagnes à notre actif. Mais pour cette fois, ben, nous accueillons de nouveaux joueurs sur le jeu. Nouvel arrivant même sur une campagne. Ah non, t'avais fait un petit Nigredo. Tibbs Ah qui oui, derrière c'est aussi. vrai. Bonsoir les gens. Ou même carrément bon après-midi parce qu'il n'est pas le soir. Fait. Quatre joueurs donc seront présents, même si aujourd'hui on ne commence qu'à trois. Mais la flemme de changer l'overlay, du coup il y a déjà les quatre. Ouais, deux habitués installés, hein, même déjà quasi copropriétaires. Oh, j'irai Axel pas jusque-là. Salut. et Chuchot. Bonjour. Donc Changelin, c'est le monde des ténèbres, enfin les chroniques des ténèbres désormais. Des créatures donc féeriques, dark féeriques, un monde contemporain, et cette fois on a choisi de, pour changer un peu, à la différence des précédentes campagnes qui avaient un contexte contemporain mais bien français, bah, cette fois de jouer dans un contexte américain. Et donc l'aventure va se situer à Seattle et autour, donc dans l'état de Washington, dans le grand nord-ouest américain. C'est fou. Région que je connais absolument pas, donc enfin je ne connais que ce que j'en ai lu, donc on s'excuse hein, si certains y ont leurs habitudes, à mon avis vous reconnaîtrez pas les lieux. On s'en fout, c'est magique. Littéralement. Que dire d'autre, un peu particularité sur cette campagne, je sais pas. Non, bah voilà, on joue avec les feuilles précodées Roll20, qui est un bon facilitateur et accélérateur hein, pour tous les GD, parce que c'est quand même un système assez lourd, même si le cœur est simple. Hein. On jette une main de D10, addition du nombre de dés, enfin d'une valeur d'attribut, une valeur de compétence, et sont considérés comme des succès. Tout ce qui fait 8, 9 et 10 sur le D10. Les D10 de base explosent et sont relancés. Tous les modificateurs se font avant le lancer et ajoutent ou soustraient un nombre de dés. Et il suffit d'avoir un succès, normalement, sur un jet pour que bah, celui-ci réussisse, quoi. Donc c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Après, c'est plein d'ajouts, par contre, et de modules. Et de variété d'addition de compétences, attributs, caractéristiques spéciales, pouvoirs. Et c'est ça qui complique, qui peut faire en ce qu'on se retrouve avec de bonnes brouettes de dés en main. Mais voilà. Là, je m'adresse plus à vous, du coup, joueurs. Ouais, les particularités, quand même, moi, dans ce que je me souviens, c'est quand on va venir à jouer en round, c'est la rapidité des rounds. C'est-à-dire que dans le monde des ténèbres, un round, c'est à peu près 3 secondes en combat, par exemple. Donc, en termes de ce qu'on peut faire, c'est rapide, quoi. Mais on aura le temps de voir tout ça. Oui, on va repasser, du coup, sur un jeu avec aussi, comment dire, un rang d'initiative. Donc, bon, tout ça, on verra C'est vrai, ça, j'ai oublié. comment. Ouais, c'est vrai que de souvenir, du coup, les combats peuvent être assez longs dès qu'il y a pas mal de protagonistes en face. On verra comment on fait. Bah, le système aide avec la fiche quand même, hein. On est beau, plus rapide, je pense, sur Roll20 que sur une table Oui. de jeu de Oui. rôle. Oui, ce Ouais, qui rend le carrément. truc long, c'est vraiment la multiplication d'interactions, quoi. T'as attaque, défense, machin, etc., quoi. Ouais. C'est vite Oui. plus long. Mais bon, de toute façon, on fera pas de combat, hein. Ouais, C'est on n'a ça. qu'à dire qu'on n'a pas d'ennemis dans cette campagne. Ouais. Tu fais Alors, pas. justement, où est-ce que vous commencez? Alors, Non, mais on va juste. commencer, ouais, du coup, par faire un tout petit tour de table pour présenter donc vos personnages, en tout cas leurs concepts comme vous les avez créés, indépendamment là, de la situation dans laquelle vous allez vous retrouver au début. Simplement présentez-nous vite fait l'humain qui était votre personnage et puis ce qu'il est devenu magiquement, ce qu'il est un peu capable de faire, quoi. J'ai pas de retour, moi, mais je sais plus sur mon overlay qui apparaît en premier. Bah, William est pas là, donc William, le personnage de la Wekal, qui nous rejoindra la partie prochaine. Ouais, du coup, je vais rien en dire, il le présentera lui-même le moment venu. On pense à toi et on trouve que t'es vachement chanceux parce que tu peux pas mourir sur la première session. Félicitations. Ouais. Oh, ça c'est vu. Ça c'est vu, mais je suis pas du genre. Vous maltraitez, oui. Ouais. Moi, je vous maintiens en vie pour vous maltraiter. À petit feu. Donc ensuite, nous avons Elaine. Elaine Mac, comment? McAllister, c'est ça. McAllister. C'est Hélène. Donc, interprété par Axel. Voilà, c'est moi. Ça, c'est moi. Voilà, c'est la petite roue sur l'overlay. Du coup, voilà. Moi, je suis officiellement issu de Seattle. J'y ai grandi, donc, mais pas très longtemps. Parce qu'au moment de ma disparition, j'ai disparu lorsque j'avais 7 ans. C'est-à-dire que je me suis fait piéger par une créature de l'Arcadie qui m'a proposé un contrat que j'ai accepté du haut de mes 7 ans et j'ai disparu. Disparu. Mais faut que je le fasse moi-même, c'est pas rigolo. Bref, j'ai une famille, donc un papa, une maman et un grand frère. Mon père c'est Logan, ma mère c'est Enora et mon grand frère c'est William. Voilà, parce que nous sommes d'origine écossaise. Voilà, et donc on a été nommés selon cette culture. Donc du coup, j'ai eu l'impression de passer 7 ans en Arcadie. Donc, combien j'ai dit 13 ans, hein. 13 ans dans Arcadie, ouais, c'est ça. Ah, ça a l'air flou dans ton esprit. Hein. Mais c'est très flou dans mon esprit, mais je crois que c'est normal. Et je me suis enfui parce que j'avais une impression pressante et grandissante que quelque chose n'allait pas dans ma famille. Et c'est devenu tellement insupportable que j'ai fini par globalement rompre le contrat et me faire la malle. Anakin, non ! C'est ça, tout à fait. J'ai senti ma mère se faire tuer par les guerriers Toscan et j'ai pété mon cœur. Ma spécialité, ma spécialité, c'est que voilà, j'ai été enlevé et élevé du coup en Arcadie pour être une espèce d'arme humaine à l'apparence, comment dire, fragile et peu. Enfin, on n'avait pas l'impression que j'étais très dangereuse, mais j'étais fort habile avec mes mains et tout ce qui ressemblait à un couteau, une lame, que ce soit du couteau à beurre au katana ou au daikatana, que Rasko va bientôt me donner d'ailleurs. au niveau des contrats, je sais me repérer. C'est ça. Je sais me repérer dans la haie. Je sais rendre les objets brûlants, donc ça vous parlait, parce que vous l'avez déjà vu la dernière fois. J'irradie de la lumière du soleil pour éblouir mes adversaires. J'endure les températures extrêmes. Du coup, il y a quelques combos sympas. Et enfin, je peux isoler un ennemi avec moi dans une gigantesque couronne d'épines pour le provoquer en duel. Voilà. Mais genre. Dans les rêves ou dans la réalité, ça? Dans la réalité. Nom de Dieu. Ok. Moi je suis fait pour la réalité et casser les gueules dans la réalité. Voilà. D'accord. Oui, donc là il va pas être question tout de suite des cours. Simplement vous avez une connaissance intuitive des émotions liées à ces cours. Donc bon, je présenterai tout ça au fur et à mesure que vous découvrirez un peu les hiérarchies du pouvoir dans les communautés de change là. Là, vous allez atterrir. Pour l'instant, simplement, vous n'en faites pas officiellement partie, mais vous bénéficiez déjà des pouvoirs, simplement, par intuition, quoi. Mince. Symbiose, en tout cas, avec l'émotion que vous avez choisie. Émotion, c'est la colère. On a compris qu'Elaine, c'est la colère, et donc la cour de l'été. C'est ça, tout à fait. Ok. Pour ce qui est des semblances, enfin des kiss et seeming, des types de changelins, on va les gommer tout de suite, c'est-à-dire que je vous invite, comme tu ne l'as pas évoqué, c'est très bien, mais à ne pas les évoquer. D'accord. Dans le sens où, pour moi, il y a une infinité de changelins, c'est plus à la création de personnages que vous allez faire ce genre de choix, mais après, à la différence, par exemple, des vampires ou quoi, moi je ne fais plus la différence, on peut identifier un type grosso merdo, mais... Chaque changelin est tellement différent l'un de l'autre que je préfère que ça apparaisse pas trop dans le lore. En fait. Ça donne une plus grande impression de diversité. si ce que je dis est intelligible. Ok, donc nous avons Elaine qui, elle va revenir assez peu de temps après son enlèvement, même si elle a eu l'impression, et elle a vraiment souffert et tué, été changée au long cours en Arcadie. Par contre, à son retour, du coup, les changelins sont, à leur retour, les changelins sont protégés dans leur apparence par un masque magique, un espèce de serment passé entre la faérie et le monde normal qui masque aux yeux des humains la nature fantastique des changelins. Et tu vas du coup toujours ressembler à une petite fille de 7, 8, 9 ans maximum. C'est beau. Donc ça risque d'être assez intéressant en jeu, dans les interactions sociales. Ouais. Je me demandais, petite question comme ça, le masque évolue une fois qu'on revient ou est-ce qu'on garde notre apparence un peu pour toujours ? Non, il évolue. D'accord, avec notre âge normal. Ouais. Ok. Mm. Et puis il peut même s'adapter si vous êtes amené à, je sais pas, imaginons que tu perdes un bras ou qu'il devienne monstrueux ou quoi, il y a toujours l'apparence s'accommode en fonction des événements. Très bien. Ensuite nous avons Alice qui va donc être interprétée par Tibbs. Alice. Et puis oui. Qui est Alice. Alice Ball. Alors Alice. Eh bien, c'était une jeune fille issue d'une vieille famille anglaise, des aristocrates, un peu peut-être sans le sou. Toujours est-il qu'elle était plutôt douée d'une grande imagination et de talent pour l'art, et je crois qu'elle pense que c'est peut-être pour ça qu'elle a attiré une attention malveillante. Toujours est-il qu'elle a été enlevée vers ses 12 ans par... on ne sait pas. Et elle a passé une dizaine d'années en Arcadie, où je pense qu'elle a surtout œuvré à développer ses talents artistiques, et puis elle a servi un petit peu à amuser, divertir la cour là-bas. Ok. Qu'est-ce que ça l'a amené à maîtriser comme pouvoir, comme capacité ? Alors... Ça l'a amené à maîtriser en fait la conception et la modification des rêves, surtout. C'est-à-dire qu'elle a des pouvoirs axés à ça, et elle est assez douée en art, en fait, on va dire, pour créer des choses plutôt jolies, même sur commande. Donc au niveau de ses capacités, c'est ça, elle peut assez facilement s'introduire dans les rêves des gens et les changer pour faire différents effets. Elle est également capable de lire assez facilement quelles sont les attentes des gens, quels sont leurs désirs, et éventuellement même les faire évoluer dans un sens qui pourrait lui être profitable. Et comme elle a pas mal de petits pouvoirs liés à la lumière, elle a également une capacité à voir ce qui s'est passé sur certaines surfaces réfléchissantes. Elle peut voir ce qui s'est passé, ce qui s'est réfléchi sur ces surfaces à une date antérieure. Pas mal. Ok. Voilà. Donc oui, Alice, comme on le voit, elle, son masque a évolué. Donc le temps s'est écoulé à un rythme différent que celui d'Elaine, par exemple, hein, qui a eu l'impression, elle aussi, de passer très longtemps, mais en fait, elle revient toujours enfant. Toi, la différence, t'as été vraiment enlevé il y a bel et bien plus de 10 ans. Ouais. Et du coup, on te retrouve grandi et changé, même sous ton masque, enfin, sous la forme du masque, quoi. Donc ça risque d'être intéressant aussi pour toi, quant à un retour, ou si c'est ton intention à un moment, dans ta famille, puisque les choses auront changé par rapport à ce dont tu t'en souvenais, quoi. Effectivement, je pense. C'est une famille un peu spéciale. Ouais, j'ai une famille assez nombreuse, hein, donc deux parents, un grand frère, mais j'ai également deux sœurs, dont une jumelle. Donc j'ai bien hâte de voir ce qu'elles sont devenues. L'enfer, vous vous rendez compte, Oh là là. T'es fou, hein. Je t'avais prévenu après, donc tu assumes. Hein. Ok. Je t'avais prévenu, on donne pas sa famille à Rasko. On parle du fait que j'ai un chat, entre guillemets. De toute façon, j'allais t'interroger dès qu'on allait un peu rentrer dans le... Je pense pas que tu l'avais avant, donc c'est quelque chose que tu ramènes d'Arcadie. Bah disons que j'en avais un dans le vrai monde, mais on m'en a également donné un en Arcadie. Et il est largement différent, évidemment, sa version réelle. Donc effectivement, j'ai une créature qui m'accompagne et on verra comment il se comporte et ce qu'il reste en fait. C'est ce à quoi il sert aussi. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, mais ça c'est pareil, on verra un peu. Est-ce qu'il a des propensions immatérielles ou est-ce qu'il, je sais pas, il est toujours sur tes épaules. Enfin, comment on aide un peu dans la narration pour pas l'oublier, parce que c'est typiquement le genre de créature qu'on oublie sinon de temps en temps. Ah oui, on va essayer de pas l'oublier parce que j'ai quand même foutu des points dedans à un moment. Donné. Oh là là. Ouais, c'est très bon. Alors, ok, voilà pour Alice. Ah si, j'ai simplement rapidement ce à quoi vous ressemblez désormais réellement, ce en quoi vous vous êtes transformé. Hélène, reviens vite fait sur toi, là. On voit une espèce d'apparence comme d'une petite momie en fait. C'est ça, pleine de bandelettes, tellement j'ai dû saigner, me faire rafistoler au fur et à mesure du temps, et j'ai gardé ça, c'est devenu mon moi. Voilà. Ok, donc personne ne sait trop ce qu'il y a dessous, t'as vraiment cette espèce de regard... Tout à fait. D'une lueur. Ouais, une lueur bleue. Je vais dire inquiétante, bleue. Mais pas tant que ça. Donc. Dak était toujours là. Par contre, là. Comment dire mince. La silhouette d'une petite fille Ouais, je suis assez menu. Enfin, mon apparence est assez menu. Je suis assez petite, assez fine. Donc, oui, on pourrait me prendre pour une petite fille, même sous cette apparence-là. Quoi. D'accord. Et Alice, du coup. Le visuel est très beau, mais ça nous dit pas trop ce à quoi tu ressembles. Bah Alice, en fait, elle a été transformée en une espèce de créature un peu lumineuse, on va dire. Donc humanoïde, certes, mais elle luit plusieurs couleurs, hein, tout simplement, qui sont assez souvent en accord avec son mental ou son ressenti du moment. Donc là, vous la voyez... en rouge avec un petit peu de bleu et de blanc, mais elle est extrêmement changeante en fait. Et alors, de quoi, vas-y. Non, j'allais demander si t'étais palpable quand même. Ah oui, complètement, oui. Ok. C'est juste qu'elle luit de l'intérieur, enfin voilà, elle est luisante de l'intérieur en fait, okay. Elle est brillante. Mmh. Ok, et du coup, elle ressemble à une jeune femme sinon. Ouais, c'est ça. Celle d'une jeune femme, oui. Elle ressemble effectivement à une jeune femme, seulement bah, voilà, ses cheveux, sa peau changent de couleur régulièrement. Ok. Très bien, Alice. Et enfin, alors je ne vais prononcer que ton prénom, je vais t'inviter à toi-même présenter ton nom complet. Nous avons Tekoa, qui est donc interprété par Chouchou. Qui est-il, qui était-il et qu'est-il devenu ? Eh bien, je m'appelle Tekoa Anagawe Shusabunin. Je suis un natif américain, donc un amérindien de la communauté Salish, qui vit ou qui vivait dans une réserve à quelques kilomètres au nord de Seattle. J'étais gardien dans un parc naturel, donc c'était un boulot idéal pour moi qui suis d'un naturel plutôt feignant et paresseux. Donc c'était mon travail en fait, c'était souvent des longues balades en forêt, trouver un petit coin tranquille pour faire la sieste. Il m'arrivait aussi de guider certains touristes et de leur raconter un peu l'histoire de la région, quoi. Dans ma communauté, on était plutôt tous fidèles à nos traditions. Il m'arrivait assez fréquemment de pratiquer les rituels sacrés de nos ancêtres. Pour, c'est quoi, c'est des relations c'est des animistes Ouais, je crois que c'est un peu dans cette idée-là, c'est vénérer les grands esprits. Des animaux, de la nature. Voilà, animaux. Donc quelqu'un plutôt proche de la nature. Malgré tout, bon, je suis un citoyen américain et comme on a un casino pas très loin, j'avais l'habitude d'y aller jouer, de boire un coup, quoi. J'étais marié à une femme qui s'appelait Kanda et j'avais un fils qui était âgé de 3 ans. lorsque j'ai disparu. Au moment de ta disparition. Et oui, alors j'ai disparu il y a très longtemps et j'ai très très peu de souvenirs de ce qui m'est arrivé en Arcadie. Je sais juste que j'étais la plupart du temps dans la haie, quoi, dans la nature. Et du coup, bon, bah, mes contrats sont plutôt en lien avec la nature, la faune et la flore, quoi. Ok. Et qu'est-ce que c'est que cette gueule ? Pardon. Eh ben oui, c'est mon apparence de changelin. Que, elle invite espèce, à... Ouais, vas-y. Un espèce d'homme-oiseau... un espèce d'homme-oiseau, donc forcément le visage peu expressif, hein, c'est difficile de sourire ou faire la tronche avec un bec. Ah, je sais pas, tu nous montreras. de longs bras maigrelés et des espèces de plumes sur le torse, le dos, les épaules et à la place des jambes. Et des espèces de cerfs d'oiseaux. Mon Dieu. Ok, mais du coup, est-ce que ça trahit d'une espèce de proximité ou de lien plus fort avec les oiseaux qu'avec les autres animaux ? Ah bah, totalement, oui. Quand je parlais d'affinité avec la faune et la flore, concernant la flore, c'est plus... Une faculté à communiquer avec les oiseaux en général, ouais. Ok, donc la faune plutôt. La faune, pardon. Le spécialiste, tu sais. Ouais, la nature, c'est vraiment mon truc. Ok. Je vais nous... Ouais, non. D'ailleurs, alors, je suis désolé, est-ce qu'on peut passer en abordage en cours pour avoir nos noms sur les trucs qui s'allument quand... Ah oui, bien sûr, ben c'est ça que j'allais dire. Je migrons. Tadam. Toudoum, comme ça vous voyez qui parle en plus. Ah oui. Waouh. Waouh. Waouh. Pardon. Très très bien. Eh bien, que dire de plus ? Sinon, si je t'ai... Ben moi, un petit préambule, du coup, pour vous présenter la situation dans laquelle vous allez reprendre possession ou prendre possession de ces corps changés. Attendez, hein, je réfléchis, est-ce que j'ai pas oublié un truc en préambule ? Je crois pas. Hein. Vous voyez pas un petit truc qui manque ? Non. Non. Pour ceux qui connaissent pas trop l'univers, j'avais fait une vidéo de présentation pour la campagne précédente sur l'univers. Donc, si vous la retrouvez, je vous dirai bien que je mettrai le lien dans la description, mais lol. Regarde, je vais mettre le lien dans le chat. Non mais oui d'accord. Non mais je veux dire, j'y penserai sûrement pas après. C'est pour ça. Ok. Salut Magister Fantôme et salut Parabellum. Donc nous allons prendre, puisque j'ai changé d'avis une heure avant le début de la campagne. En fait, on va vivre votre éveil un peu en dehors de la haie, à votre sortie qui va donc être conjointe pour tous les trois. Cependant, donc vous allez avoir quitté les domaines de vos maîtres respectifs qui ont désormais un visage et une entité qui n'est plus une entité floue quoi dans votre esprit. On la redécouvrira à mesure qu'on jouera et que soit il enverra des sbires à votre route, soit qu'il se manifestera dans vos rêves, etc. etc. En l'état, vous avez donc fui pour des raisons qui vous sont propres à chacun, une espèce d'urgence, ou pour d'autres, un désintéressement du maître, ou pour d'autres, une fuite un peu accidentelle. Simplement vous allez vous être retrouvé, mais ça aussi c'est assez flou dans vos esprits, ça date dans la haie. Donc quand je dis vous retrouver, tous les quatre, c'est à dire que le personnage qui interprétera William, du coup est déjà présent. Vous avez une figure dans votre mémoire d'une survie à ses côtés et aux côtés les uns des autres dans la haie. Mais il vous c'est très difficile également de quantifier un peu la durée que tout cela, enfin bah durée du coup, cette espèce de fuite éperdue avec les limiers de vos maîtres aux trousses pour certains, avec les dangers inhérents à cette zone totalement fantasmagorique et dangereuse dans laquelle on laisse un peu de son âme à chaque fois qu'on la traverse. Ces épines ne sont pas que tranchantes pour les peaux. Tekoa pourrait nous en dire plus, hein, à fur et à mesure qu'a priori il y était un habitué également. Donc vous n'êtes pas des inconnus les uns pour les autres, sous votre forme de changelin. Vous avez combattu côte à côte, vous avez fui côte à côte, et petit à petit, à force d'errance, vous avez réussi à vous rapprocher du monde des humains qui était votre objectif, quoi. Peut-être est-ce que ça a duré des jours, des semaines, des mois. C'est assez dur de le dire. Et des plus étrangement, vous allez réussir à regagner la réalité par le biais d'un portail maintenu ouvert artificiellement. En tout cas, vous y êtes attiré par ce qui semble être la diffusion de musique classique qui résonnait dans les forêts d'épines, très bizarre. Alors peut-être cela a-t-il, dans un premier temps aiguisé votre méfiance, mais à mesure que vous en rapprochiez, les signes de la réalité se faisaient de plus en plus présents. Donc comment ça se passe quand on est dans la haie et qu'on se rapproche de la réalité? On commence à voir des paysages au loin, qui sont plus réels, hein. Donc là, dans l'état de Washington, aux États-Unis, ce sont des forêts de sapins gigantesques et des montagnes absolument aussi gigantesques. La nature est très présente, on parlera un peu de la région quand on la foulera au pied. Mais ça a l'air d'être un coin très beau. En tout cas, vous êtes passé par ce portail comme... enfin quoi, soulagé, mais pour tomber entre les mains de nouveaux ravisseurs. Ah, chouette. C'est une fois de plus très flou, puisque vous allez subir des traitements assez costauds en termes de... mince, pas d'analgésique, j'ai envie de dire analgésique, c'est pas du tout ça. Aidez-moi, des trucs des qui altèrent. Des opiacés, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Même peut-être quasiment de quoi vous plonger dans un sommeil artificiel. Ah ouais. Vous êtes en tout cas aux mains d'un petit groupe de scientifiques que vous avez eu toutes les peines du monde à identifier dans l'état dans lequel vous êtes maintenu. Votre prise ne s'est pas faite sans combattre. Et il semble que William, ou en repassant dans l'aise, ça reste très flou, ou en fuyant, réussissant à fuir au cours des combats, ne soit pas présent avec vous, là où vous vous trouvez présentement. C'est pour ça que du coup votre glamour semble drainé, et vous commencez avec Walou. Ah oui. Vous êtes... dans des petites blouses de type hospitalière, des plus légères, moult piqûres et autres drains sont dans vos bras respectifs, des espèces de machines alentour diffusent électrocardiogrammes et bip, quasiment un type de machine à dialyse sur le côté, comme si on vous drainait du sang. Vous êtes entouré, je peux vous mettre dans un petit environnement déjà. Ah, c'est beaucoup moins féerique. C'est sympa comme dit, tout par ici. Je cherchais comment je peux les prendre par surprise, comment je peux les prendre. Je vais faire ça. Du coup. C'est fait. Quel enfer. Du coup, en l'état, vous êtes revu, mais en peinant à rentrouvrir les yeux sous les lourdes drogues qui vous sont injectées. Il y a certains moments où on vous regroupe, ouais, on fait des tests sur vous conjointement, mais la plupart du temps, sinon, vous êtes dans des espèces de box d'hôpitaux, ou en tout cas de laboratoires. Et à l'article, hein, de, pas de la mort, mais de la conscience. Peut-être y en a-t-il certains d'entre vous qui sont plus à l'aise dans ces milieux, hein. Je pense à Alice, peut-être t'es-tu réfugiée dans tes rêves, je ne sais pas. Probablement. En tout cas, tu es un peu coupé par contre de tes facilités à les maîtriser, puisque tu sens clairement que tu es ton glamour et ta capacité magique, quoi. T'es drainé, quoi. A priori par des procédés scientifiques, hein. Vous n'avez rien vu de fantastique, c'est un retour pénible à la réalité, dans le sens où les odeurs, les vieilles odeurs que vous n'avez pas senties depuis, ouais, le moment où vous êtes fait enlever, de médicaments, de propres ou de désinfectants, des choses qui n'existent pas, hein, de l'autre côté. Et puis ces bips et ces sons mécaniques et électroniques qui sont aussi propres à notre monde, à nous, quoi, des humains mécaniques et un peu froids et glaciaux. Je vous demanderai bien ce que vous faites, mais c'est plus en termes de, plus pour me pousser à décrire un peu plus vos environnements immédiats, puisque pour l'instant vous êtes un peu, je pense que vous êtes sous contention et à la fois chimique et physique. Bah moi, il y a bien sûr un élément déclencheur. Hein, vous inquiétez pas, on va pas faire ce scénario. Bon bah voilà, c'était bien. C'était la plus courte aventure que j'ai jamais vécue. Voilà, tu étais dans les rêves. Puis, je sais pas si du coup vous avez des questions, ouais, qui vous viennent à l'esprit tout de suite et qui me permettraient. Bah moi, aussi bizarre que ça puisse paraître, je me sens peut-être pas rassuré, mais peut-être que j'ai un peu d'espoir que le peu dont je me souvienne, ce soit en fait qu'un rêve. Je me retrouve à l'hôpital, je me dis, ah, peut-être que j'ai eu un accident et tout ce dont je me souviens, c'était en fait peut-être pendant une période de coma ou j'en sais rien. Ok, ouais, oui, ça me paraît assez sain. Comme pensée, oui, ok. Donc, ouais, tu essayes de rationaliser, quoi. Ouais. D'accord. Les deux autres, du coup, il y a des choses qui vous questionnent ou qui vous passeraient par l'esprit. Ouais, moi je vais essayer de mettre ma main devant ma tronche, voir si ce que à quelle apparence j'ai, en fait. Parce que j'imagine bien que... Ok. Ouais, si, voir si le masque est tombé, si... Enfin, voilà, ce genre de choses. Avec le pompage du glamour à tirer les rigots. Ouais, je pense que ce que tu peux voir de toi ou toucher... à la faveur de liens un peu plus permissifs par moment, peut-être, ou à la faveur de reflets dans une vitre ou dans une coupelle d'acier dans laquelle voilà, t'as un petit scalpel ou quoi qui te fait de l'œil, peut-être aussi d'ailleurs. Oui, parfait. Yes. Tu te vois. Alors, je sais pas si tu t'étais vu d'ailleurs dans la. Oh bah, ou dans l'Arcadie. Mais Bah en tout cas, j'avais dû me sentir et sentir les bandelettes, quoi. Ou un truc comme ça. Eh bien, en tout cas, tu te vois toujours sous la même forme. Le masque n'est pas présent pour toi. Et du coup, oui, donc là, ça va vous demander un petit effort, puisqu'on va faire un petit rétropédalage, mais vos personnages ne savent rien de ce que sont les changelins. Tout cela, ils l'ont vécu subi et forcé, mais ils ne savent rien de... Comment dire ? Ça ne fait pas de sens, quoi. Pour eux, ils ont vécu quelque chose de fantastique, d'inexpliqué. Ils savent que ces choses-là sont réelles pour eux maintenant, désormais, mais de retour dans le monde des humains, et ils savent pas qu'ils sont des changelins, entre guillemets, changelins. Quoi. Ils savent pas qu'il y en a d'autres qui se promènent. Donc voilà. Mais en tout cas, non, et tu sembles bel et bien transformé, même de retour dans ce bon vieux monde. Ok. Je vais essayer de faire un effort de mémoire, savoir comment on a atterri là, en fait, en sortant. Où est-ce qu'on a déboulé, là où il y avait de la musique classique, et okay. Comment on s'est fait attraper directement, quoi. Écoutez, tentons un petit jet, hein, on en est là. Non, mais pour se mettre, hein, tu vois, c'est le tutoriel, quoi. Ouais. Mmh. pour mobiliser la mémoire. Mais là, est-ce qu'il s'agit plus peut-être de faire un peu le clair dans son esprit? Je te demanderais bien de d'allier la résolution. Ouais. Et l'occultisme. C'est vrai? Oui. Oh. Pourquoi? Ça commence mal. Ça commence très bien. Non mais j'ai donc voilà, donc le jet allie donc un attribut et une compétence, et il suffit d'un succès pour réussir. Et bien sûr, plus de succès implique une espèce de marge et des informations supplémentaires. Okay. La seule manière dans ce système de faire un échec critique, c'est donc de voir sa main réduite à zéro et de faire un jet de chance, c'est-à-dire ne jeter qu'un seul et unique D10 qui viendra faire un 1. C'est ouais. la seule manière de faire des échecs critiques. T'inquiète là, Wekali, ils sont bien partis. Et c'est parti. Ok. Salut Wekali, au passage. Du coup, tu vas te souvenir d'un portail étroit du côté de la haie. Tu te souviens être rentré dans une espèce de bâtisse abandonnée, en ruine, quoi, toute envahie de ronces et de végétaux. Mmh. T'étais pas dans un environnement totalement urbain, mais une grande bâtisse, genre entrepôt, c'est assez peu clair. D'accord. Et dans un mur, un trou de la taille d'une porte simple, irradiant d'une lueur violente et émettant une musique classique, mais trahissant de sa nature artificielle, comme si on la diffusait, quoi. D'accord, ok, ouais. Et au passage, simplement, de ce portail, tu à identifier la source lumineuse qui était des grands panneaux LED ou en tout cas très violents, mais pareil très artificiel et très basique. Et tu as tout de suite vu un des personnages comme on en voit là dans des scaphandres tout bizarres. Ils étaient armés et vous sont tombés dessus manu militari à votre passage, comme s'ils vous attendaient, quoi. Ils se gardaient bien eux de passer. D'accord. Et une fois cela, tu as dû subir une injection. Tu sais pas du coup si t'es à proximité de ce portail ou si t'as changé de lieu. Après, okay. C'est plus compliqué. Ouais. Ok, ok. Alice a-t-elle des préoccupations, des questions? Bah, je pense qu'Alice, elle va continuer ce qu'elle a fait ces dernières années par intuition, c'est-à-dire essayer de servir et de plaire. Et quand ça se passe bien, elle a pas trop de problèmes en fait. Donc je pense qu'elle va essayer de voir si elle peut avoir des interactions avec les gens qui la soignent, enfin qui la soignent, qui la maintiennent attachée. Très bien. Est-ce qu'ils répondent aux questions quand on leur parle? Je pense que oui, en faisant bien sûr un espèce de barrage d'informations quelconque, mais oui. À tes plaintes, par exemple, de douleur, ou à tes mots gentils, ou j'en sais pas, à des mimiques qui viendraient à tenter d'apitoyer. Ah oui, parce que on est d'accord que, comment dire, essayer de charmer et d'apitoyer, c'est un mélange des deux qu'elle va tenter, en fait. Donc tu ferais, tu vas nous faire un petit jet, pareil. Après c'est toi qui me dis un peu comment tu orientes la chose. Moi je te ferais faire de la manipulation sur manipulation, subterfuge, un truc comme ça. Ok. C'est clairement pour c'est clairement pour tromper, l'idée étant de voir peut-être un médecin ou un interne ou je sais pas, quelqu'un qui viendrait me voir plus souvent que les autres, et puis l'apitoyer sur mon sort, essayer de lui sourire de façon très claire, très mignonne, etc., etc. Ok. J'ai une petite spécialisation en séduction, je pense que je peux la... Tu peux. Ok. Alors. Qu'est-ce que ça fait les spécialisations, dis-nous, Rasko? Ça rajoute un simple dé supplémentaire lorsque le champ de la spécialisation... Et mobilisé quoi, dans une compétence particulière. Donc, un petit jet de compétence. Et puis, alors, modificateur, je mets 1, c'est ça? Ouais, on est d'accord que normalement, lorsqu'on vise quelqu'un dans le jeu, on se retrouve avec en malus des oppositions. Mais là, c'est simplement. On est dans le tuto. Mais normalement, par exemple, je viendrais t'opposer l'attribut au minimum du personnage que tu essayes d'apitoyer. Mais là, c'est plus généralement est-ce que tu as réussi. D'accord. J'ai le manteau de printemps qui rajoute un dé pour les actions comment sociable agréable, ça marche ou pas? Alors je sais pas, est-ce que le manteau de printemps, bonne question, c'est se manifeste avec le masque ou est-ce que c'est à destination des personnes qui seraient capables de... C'est toi qui me dis. Non mais écoute, on prend tout là pour l'instant. Allez, on prend tout, c'est le tuto. Ah oui, tu jettes quand même 6 dés. Les 3 succès, c'est pareil, c'est propre. On peut voir les détails hein, à chaque fois si on passe la souris dessus. S'il y a je voulais dire s'il y a des jets qui vous paraissent un peu étranges. Pour certains, avec leur semblance ou kiss, donc les types de changelins qu'ils sont, certains d'entre vous vont pouvoir avoir des champs d'expérience qui vont leur permettre de faire exploser des dés à des valeurs inférieures à 10. Oui. Donc ça, il faut le mettre dans le... Au moment où vous jetez les dés sur votre feuille, il y a marqué 8 rejoues, 9 rejoues. Normalement, c'est sur 8 rejoues de base, 10 rejoues de base. Mais vous pouvez choisir des valeurs inférieures, le cas échéant, pour que ça se fasse tout seul. Yes. Écoute, du coup, Alice, je pense que tu vas être... Tu vas avoir buté sur le professionnalisme dans un premier temps des chercheurs vraiment et des gens qui te manipulent physiquement, qui sont assez peu nombreux. Hein. Ça n'a pas l'air d'être un centre gigantesque. En tout cas, les gens qui vous avez des contacts directs sont assez peu nombreux. Il y a une personne qui va sortir un peu du lot. Ça me permet de produire un visage que vous avez tous déjà croisé. Mm-hmm. Ça semble être un peu la référence... sur place, si je la retrouve, bien sûr. Une scientifique ou un docteur, en tout cas, là, qui a l'air un peu d'être la sommité sur place. Les autres, on se sert clairement de vous, hein, ça fait pas de doute. Vous vous sentez affaibli, vous voyez effectivement que vous ne vous sentez pas les pouvoirs qui vous sont habituels, mais peut-être pensez-vous que c'est de retour dans le monde des humains qu'ils vous ont abandonné. Mmh. Vous voyez clairement qu'on traite votre sang, vous vous sentez extrêmement faible, et vous sentez aussi les liens physiques qui vous sont attachés aux chevilles, aux hanches, aux poignets. Enfin, tout ça pour dire que tu as quand même fait un beau succès, donc... Je pense que c'est quelqu'un de l'ordre d'un agent d'entretien ou quelqu'un qui vient vraiment pour faire le ménage ou peut-être un technicien qui s'occupe de certaines machines. Peut-être lors de phases, alors on ne sait pas si c'est la nuit, mais en tout cas lors de phases où il y a moins de personnel de présent, qui ne va pas être resté indifférent à tes appels, en fait, Alice. Ouais, parfait. Et qui, je sais pas, va t'avoir amené, l'espèce de tupperware d'eau qui est à côté, jusqu'aux lèvres, pour te permettre de boire alors que tu lui demandais, ou qui va t'avoir bougé un peu sur le lit pour que tu sois plus confortable, ou va juste avoir répondu. Il va pas être allé jusqu'à s'être présenté, ou a priori, ils ont quand même des processus de sécurité bien en place qui n'outrepassent pas, même si ça a l'air déjà d'en être. En tout cas, c'est quelqu'un qui te dit bonjour en entrant, peut-être t'a-t-il, je sais pas, déposé une fleur sur la table de nuit, ou j'en sais rien. En tout cas, qui on peut le détailler un peu, c'est un jeune homme sûrement. A priori technicien, qui fait des réglages sur les machines. D'accord. Qui t'entoure. On va voir ce qu'on peut en tirer quand une opportunité se présentera. Ok. Si j'ai une autre question, vite fait. Oh, allons-y. Hein. Oui. Est-ce qu'on a une caméra? Est-ce qu'on est filmé? Oui. Vous êtes filmé, vous êtes dans un lieu high-tech, même si ça a l'air clairement d'être, un peu comme sur les visuels là, une coque, quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire, l'impression d'être dans un lieu clos, mais qui serait déployable un peu dans tout un tas d'environnements. Comment on appelle ça, comme dans des modules un peu. Ok. Ouais. Et oui, en termes de de scientifiques qui vont et qui viennent, ils sont dénombrables. Hein. Ils sont assez peu nombreux pour être dénombrables, c'est-à-dire il n'y a pas une infinité de gens qui viennent vous voir. Peut-être êtes-vous en contact direct avec 5 ou 6 personnes maximum. Quoi. J'ai jamais vu plus de monde à votre proximité. Alice, tu as, je pense déjà aussi, si tu t'en es inquiété, vu... comment il s'appelle, Jasper. Qui est lui aussi prisonnier d'une espèce de vivarium, pas dans la même pièce que toi. Okay. Et où sont stockés tout un tas d'autres spécimens vivants ou végétaux qui semblent être collectés, quoi. Ok, ok. Est-ce qu'on a vu des agents de sécurité ou ce qui pourrait ressembler à ça, des hommes armés? Pas depuis le moment où vous êtes fait tomber dessus à la sortie. Par contre, ils étaient assez peu nombreux aussi, hein, peut-être 4 maximum, mais extrêmement bien équipés de tout un tas de choses bizarroïdes, d'armes non létales, sûrement à base électrique. Mais plus depuis, il n'y a pas besoin, vu le niveau de shoot que vous prenez dans les veines, quoi. Ok. Ok. Ok. Bon. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, les embrouilles. Pas d'autres questions. Oh non, jusqu'ici, tout se passait très bien. Ah non, oui. C'est ça a l'air bien clair. Si, bah justement pour... Après, je passe un peu le relais. Sur le temps que vous avez passé ici, à nouveau, c'est assez flou et ça pourrait déjà être un bon mois que vous avez passé alité et en cobaye d'expérience, quoi. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'échanger, est-ce que vous avez des moyens. Ça peut nous permettre vite fait de loucher sur les capacités spécifiques au changelin. Vous n'avez pas de moyens de communiquer. Je pense qu'il faudra un contrat spécifique. Peut-être Alice, en vrai, qui est peut-être venue nous voir dans nos rêves, non? Pour que je l'amour, ça va être compliqué. Ouais. D'accord. Pour que je puisse me balader dans vos rêves, il aurait fallu qu'on fasse un contrat où vous me laissez l'accès, en fait. Ah, bah alors, je sais pas si on l'a fait. À mon avis. Non, ça sera l'occasion. Ouais. De justement le faire a posteriori. Donc voilà, les seules occasions que vous avez eu d'échanger, c'est en dépassant la dose de drogue lorsqu'on faisait des tests sur vous conjointement, quoi. Ok, donc peut-être quelques mots, quelques gestes, des regards. Vous êtes vu sous vos formes toujours bel et bien changées au milieu d'humains. Ah bah donc moi à ce moment-là je me suis rendu compte que je ne sortais pas d'un rêve. Peut-être était-ce ouais c'est vrai oui. Mais ça du coup c'était comment? Ah bah je suis bien dégoûté. Je suis bien en colère. Mais bon, de toute façon, sous l'effet de la drogue et des liens qui me sont mis à chaque fois qu'on me retransporte dans mon lit, j'ai malheureusement pas pu faire grand chose d'autre que d'en vouloir à la personne qui m'a fait ça, quoi. Ok. Bon, les jours se passent et se suivent et se ressemblent dans un espèce de grand flou de drogue et de chimie, quoi, de conscience altérée par la chimie. Jusqu'à ce fameux jour où nous commençons nos aventures, où depuis vos box respectifs, vous allez entendre et peut-être ressentir dans un premier temps une vibration tellurique quasiment, quoi. Si vous avez des objets en verre ou bec benzène, n'importe quoi, béchère ou je sais pas, alentour, les machines peut-être vont être prises de. Vont se mettre à trembler, vous allez voir comme un espèce de champ électrique qui va faire jouer les lumières qui vont soudain perdre en intensité pour leur gagner. Et il s'agit d'une période où il y a moins de gens dans les tranches horaires. Donc peut-être, Alice, toi, luttais-tu contre la chimie pour guetter le passage de ce jeune homme là qui, ouais, qui effectivement. Puis jour, je pense que de par son comment, peut-être son passé, son habitude d'être toujours dans un monde entre la réalité et le rêve, elle a peut-être des facilités à être un petit peu moins dans le gaz que d'autres personnes. Et oui, Alice, son plan, c'était bien évidemment de se trouver un allié dans cet endroit, un allié et un ami. Ah. Ok. Accompagnant ces secousses qui ne durent qu'un temps, je pense que vous percevez au loin une espèce d'alarme, mais lointaine. Elle n'envahit pas vos quartiers à vous. Des espèces de sécurité qui viennent s'enclencher sur les portes alentour. Et puis surtout un picotement au bout de vos doigts. Même plus que ça, une espèce d'impression d'éveil soudain et d'énergie, alors que vous prenez des inspirations, comme si l'air était chargé de magie, de féerie, comme longtemps vous n'en avez pas ressenti. Et vous allez pouvoir mettre vos compteurs de glamour au maximum. Ah ouais? Alors que, effectivement, l'air s'emplit, les machines... peut-être certaines sont-elles prises de quelques étincelles et s'éteignent, en tout cas pour celles qui drainent votre sang. Et oui, vous sentez un afflux de glamour dans vos corps respectifs. Et nous commençons à jouer. Vous êtes attaché donc sur vos lits aux chevilles, il y a une espèce de sang qui vous maintient les hanches, et vos poignets également, une espèce de lanière plastique et cuir. Mais on compte d'habitude essentiellement sur votre état d'endormissement et de camé, quoi, un peu. Là, non seulement vous ressentez la magie en vous, enfin la féerie, mais vous êtes aussi totalement conscient, comme si cet afflux de glamour lavait, vous purifiait de la chimie qui jusque-là vous gazait un peu l'esprit. Que faites-vous ? Bah écoute, moi je vais jouer avec les liens, essayer de dégager mes mains menues, mes mains ou mes pieds, histoire d'aller attraper le scalpel précédemment décrit. Ok. Histoire de me libérer. D'accord. Donc je vais te refaire un jet, bien sûr. Mais, ouais, évidemment. Donc toi, tu te mets à essayer de faire jouer tes liens, les autres dans les chambres non loin. Ah bah moi, je vais essayer, ouais, de me libérer également, alors peut-être à l'aide de je sais pas, de mon bec ou de ce qui me sert de pied, en faisant un peu de contorsion pour essayer d'arracher ces sangles, quoi, ou de les sectionner, quoi. Donc en plus en force. Ah non, toi oui, tu as des carrément tes ouais, ok. Et Alice de son côté, Bah, est-ce que mon chevalier servant est dans le coin ? Oui, voilà, je pense que tu vas le voir, du coup. Tu vas entendre les espèces de mécanismes électroniques et de sécurité sur la porte, alors qu'il rentre dans ta chambre, mais a priori effrayé par quelque chose qui serait à l'extérieur. Il n'a pas trop te prête pas trop d'attention. Il se précipite juste à l'intérieur. Il fait passer sa carte magnétique à multiples reprises sur le lecteur pour vite la refermer, quoi. Et elle se referme, et tu le vois qui allume, peut-être qu'il y a une espèce de hueton, caméra, quoi, sur la porte. Il essaie d'avoir un visu sur ce qui se passe à l'extérieur, il fait pas attention à toi pour l'instant. Comment ça, il fait pas attention à moi? Je suis d'une part déjà extrêmement vexé. Non, mais je vais essayer en fait de lui demander ce qui se passe, surtout. Est-ce que je dois craindre pour ma vie? Est-ce que tu vas me laisser mourir ici? Enfin bref, je vais essayer de le pousser à... Je pense qu'il pousse un glapissement alors qu'il t'entend parler peut-être avec une diction beaucoup plus... Sauf si tu joues la comédie, je sais pas comment... Bah, comment tu fais... Oui, toujours la jeune fille faible. Hein. Ok, donc bah, il... Ouais, il sursaute quand même, parce que peut-être la plupart du temps, t'es dans le coltard quand même. Il se retourne vers toi et tu lui vois un teint livide, même si les lumières clignotent. Restez calme, mademoiselle. Ça va passer. C'est un petit problème de sécurité, je crois. Et tu le vois. Un problème de sécurité. Tu te moques de moi. Tu es tout pâle. Qu'est-ce qui se passe? Je crois pas pouvoir enfin, ouais, vous en dire plus. Et puis de toute façon, je sais pas trop ce qui se trame dans ces murs. Moi, c'est les machines, mon truc, quoi. Je vais rester dans votre chambre si ça vous dérange pas les 5 prochaines minutes jusqu'à ce que je réussisse à joindre la sécurité. Et tu le vois qui se met à pianoter sur un espèce de petit combiné à côté de la porte. D'accord. Est-ce que je peux savoir qu'est-ce qu'il désire le plus à ce moment-là? Oh, comment ça se passe, ça? L'œil de Cupidon. Donc, c'est l'usage d'un contrat? Ouais. Allez, on attaque direct, on apprend le temps. Direct. Eh bien, écoute, dis-nous un peu comment ça se passe. Et puis, mécaniquement ouais, parlant ouais. Ou... Mécaniquement, dans un premier temps, les conditions. C'est weird et astuce, a priori. Moins calme de la cible. C'est ça les conditions. C'est un point de glamour, sauf si je l'ai embrassé dans les 24 heures, et je crois pas. Ouais, mais c'est Kill Bill. Voilà. Kill Bill, bonjour. Non, stop là. Donc. Voilà, okay. Weird, astuce et éventuellement son calme. Très bien, et au niveau du coup plus narratif, comment ça se passe? Plus narratif, en fait, ça me permet de ressentir, je pense, ses émotions et d'arriver un petit peu à lire en lui pour savoir quelle est l'envie qui le domine le plus à ce moment-là, en fait. Ok, donc ça peut être contextuel, c'est pas simplement des désirs intrinsèques. Oui, ça peut être contextuel, oui, complètement. D'accord. Bon, eh bien, ce jeune technicien a un calme de 2, donc je t'invite à faire ton jet. Et puis, moins 2. Elaine, du coup, tu vas nous faire un jet sur ta dextérité et du sport. Hein. Ok. Je peux craquer un point de volonté? On envoie tout direct. Direct. Alors, oui, tu peux. Et quant à toi, du coup, Tekoa, Tekao, Tekoa, Tekoa, pardon, Koa. Il va s'agir. Du coup, c'est comme si tu attaquais avec tes serres, quoi. Ouais, je vais quand même utiliser ta dextérité. Ouais, c'est un peu de la sorte de contorsion, quoi, pour arriver à faire ça. Simplement, donc, tes mains comptent pour des armes létales, c'est ça, hein? Mes pieds. D'accord. Que tes pieds? Tes extrémités. Ah, oui, mes pieds ou mon bec, si tu me l'autorises. Je pense que tu pourrais difficilement atteindre de ta tête les liens qui t'en serrent les poignets. Ah, ouais. Mais je suis en train de me demander, du coup, si tes mains sont considérées comme des armes blanches. C'est bien, on est dans le tuto. Donc, est-ce que je te fais jeter sur arme blanche lorsque tu combats à main nue? Non, tu restes sur bagarre, mais par contre, les dégâts ne sont pas contondants, quoi. Ils sont létaux. Ouais. Bon, écoutons, faisons des jets. Donc, toi, ce sera donc dextérité bagarre. Je vous mets pas de malus, ni les uns ni les autres. Ok. J'ai claqué un petit point de glam pour avoir les relances sur 9. Voilà. Ok. Et du coup, la question de Tibbs était, peut-il utiliser un point de volonté? À quoi servent les points de volonté dans ce système? Ils sont très utiles. Avoir 3 dés en plus. Ouais, donc sur un jet, ils peuvent donner 3 dés de plus. Ce qui me permet de réussir ce jet, du coup. Pas 3 succès, hein, 3 dés à jeter, en plus. Ils ont aussi d'autres usages que je m'en vais retrouver tout de suite. Mais j'ai dû faire des aides de jeu. Je suis en train de chercher mon papier. Point de volonté. Donc c'est quelque chose à avoir en tête, puisque voilà, un point de volonté peut apporter un bonus de 3D à un G. Il peut aussi vous faire gagner 2 points de vigueur, de résolution, de calme ou de défense lorsque vous cherchez à vous défendre de quoi que ce soit, même d'une pression psychologique. Et claquer un point de volonté permet de une action spécifique au changelin qui est l'entendement et qui va révéler à leurs yeux tout ce qui est féerique et fantastique alentour. Ce qui est pas mal. Ok. Bah écoute, je vais craquer un point de volonté aussi. Tiens, on va commencer. On va commencer vénère. Ah. Pouah. Le truc explose. Mais les mecs. Eh, écoute. J'espère bon, bah tout le monde réussit. Donc en tout cas, tous les deux, vous êtes libres de vos liens. Pas de vos chambres, mais de vos liens. Donc, pour Tekoa et Elaine. Comment on prononce à l'anglaise ou. Elaine. Elaine. Okay. Elaine. Donc vous voilà, vous êtes libre sur vos lits ou assis, enfin vous entouré de machines, d'instruments médicaux, etc. Et quant à toi, Alice, bah, le désir de bon peut-être dont son prénom résonne non, dont je sais pas, bon, on s'en fout, on va lui donner après. Tu le vois étrangement avoir des images de retour de travail, mais pressant, genre il pense comme pour des pensées cherchant, enfin, rassurantes, et il se voit devant sa téloche avec son espèce de rituel. Il a l'air extrêmement inquiet et désireux d'être chez lui tranquille au retour du travail, quoi. Ça ne t'avance pas trop, mais... C'est un peu ce qu'il a, les images de désir qu'il a dans sa tête, son fauteuil et son rituel. Je ressens une envie de fuir ou simplement une envie d'être au calme, du coup. Ben, je sais pas si c'est plus tourné vers les désirs, c'est pour ça que je te dis un ouais, peu ouais, c'est le désir, ouais. Que vers les peurs, quoi. Donc okay. Ouais, l'image là qu'il a, c'est bah, tu le vois peut-être ouais, fermer sa porte avec tous les verrous qu'il a, et ça crée une espèce de soulagement, et puis tu le vois voilà, ouvrir son frigo, sortir sa bière, son club sandwich, et se poser devant sa série préférée, quoi. En laissant tout ça derrière lui, tu vois. C'est à ça qu'il pense alors qu'il est là le dos à la porte, et qu'il te regarde encore alors qu'il voilà, ça, il se met à pianoter pour appeler la sécu. Je vous écoute pour la suite. Bah écoute, moi je vais choper, comme je dis, le scalpel le plus proche, me défaire ouais. Entièrement de mes liens, et par contre je vais okay. Me remettre dans le lit avec une couverture par-dessus, voilà, pour faire comme si j'étais encore dans le gaz, quoi. Ok. Bon bah pas de difficulté. Alors il n'y a pas de vitre ou de... À non. Part si vous avez peut-être déjà vu hein, des personnes utiliser cette espèce de hueton... Ouais, il y a un Judas, quoi. Ouais, mais vidéo, quoi. D'accord. Enfin, une espèce de ouais. Petit truc qui permet de retransmettre ce qui se passe d'un côté de l'autre, ou peut-être avoir accès à d'autres vues, hein, vous savez pas. Et on est d'accord que c'est a priori, tu avais l'air de le décrire, c'est fermé électroniquement par des cartes d'accès. Oui. Oui, vous avez déjà vu assez de gens les utiliser pour savoir à peu près comment ça marche. Ok. T'es quoi de ton côté dans ta chambre, toi c'est... Moi je vais aller tambouriner à la porte, hurler qu'on vienne m'ouvrir, faire de grands gestes devant la caméra, en espérant que attirer l'attention de potentiellement quelqu'un qui est en train de regarder les vidéos, faire un gros bordel. Les collègues entendent, alors, du coup de manière étouffée, mais vous entendez un tambourinement lointain et là, une voix... Pareil, totalement étouffé, mais du coup, vous n'êtes pas si loin les uns des autres, quoi. Vous entendez cette voix hurler. Qu'est-ce que tu hurles ? Sortez-moi de là ! Venez m'ouvrir ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ok. Alice ? Qu'est-ce que tu fais de... Ah bah, de toute façon... Ça s'appelle Jean-Louis sur le baptiste pas, donc il faut le baptiser. Sean. Of the... Allez. Bah sans, ouais, bah j'espère pas. Bah c'est simple en fait. Je pense qu'en plus en entendant le cri de Tekoa, ça doit le secouer encore un peu plus. Ouais. Ouais. Pour l'instant personne ne répond alors qu'il est en train de, tu le vois faire des codes sur un espèce de petit boîtier digital. Et, oui, bah, il a l'air d'essayer de communiquer avec plusieurs ou fréquences numéro en tout cas. Et pour l'instant, personne ne répond. Je vais faire la suite logique de mon action, c'est que maintenant que je sais ce qu'il veut, je vais essayer de manipuler un peu ce qu'il veut, en fait. Ok. Je voudrais faire en sorte que ce qu'il souhaite, c'est d'être tranquille chez lui. Moi, ce que j'aimerais, c'est ce qu'il souhaite, c'est d'être tranquille chez lui avec moi. Pendant que tu le prépares un sandwich. Voilà. Quoi ? Il te voit en petite, en femme des années 50 dans la cuisine en train de lui préparer les sandwichs. Oh, il me voit comme il veut. Tu vois comme il veut. Il est en dessous de la terre. Absolument aucun problème. Alors, j'imagine que c'est magique ou ça se passe par la. Bien sûr, par c'est. En fait, un peu par les deux. Parce que maintenant que je sais ce qu'il veut, je vais lui proposer quand même d'essayer de fuir ensemble et de quitter cet endroit extrêmement dangereux, qu'il ne va pas me laisser mourir ici, etc. Je sais qu'il se passe un truc extrêmement grave. J'ai l'intuition, etc. etc. Et puis, j'en profite pour utiliser le contrat de niveau au-dessus qui me permet d'altérer le désir de quelqu'un. Ok. Voilà. Ah oui, je craque du glam, en veux-tu, en voilà, c'est bien, séance, mais c'est pas grave. Hein, il clique sur tous les pouvoirs un par un pour voir les animations. Mais pas du tout. c'est complètement logique. Oui, mais non, allez, c'est parfait. Un autre point de volonté. Parce que est-ce que c'est absolument opposé à quelque chose? Ouais, complètement. Alors, manipulation, persuasion et manteau contre résolve du mec d'en face. Alors, sa résolution n'est que de 2 également, comme son calme. Ok. Ok. Donc, est-ce que l'action vise à me faire désirer de la cible? Du coup, je remplis ma clause. Oui. Du coup, ça coûte combien en moins? C'est gratos, je crois. C'est la gratuité, ouais. C'est la gratuité totale. Parce que c'est vraiment d'un désir. Ouais, on est d'accord, quoi. C'est désir. Ah bah là, désirer, c'est-à-dire qu'on risque après. Qu'il va te désirer. Quoi. Donc, oui, bah c'est parfait. C'est parfait. Et bah allons-y. Et c'est là qu'il faut pas se craquer. Allez. Oui. Donc t'as viré 2. Ouais, j'ai mis 3. En fait, j'ai fait 3 moins 2, vu que j'ai craqué le point de volonté. Ah oui. Est-ce que ça se passe quand même par un quelconque échange ou est-ce que ce n'est que épidermique ou énergétique? Je pense que c'est les deux, du coup, vu que je lui parle, et puis que c'est un ensorcellement en fait, hein, qui va. D'accord. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'il se dit? Il a l'air totalement paniqué par. Et il commence peut-être à vocaliser un peu son souhait de oh, qu'est-ce que je ferais mieux chez moi et tout, alors que personne répond. Allô, oui, c'est. Là, il doit se présenter. C'est Sean, je suis dans la chambre du sujet. C'est quoi ton numéro de sujet? 3. Numéro 3, est-ce que quelqu'un me répond? J'ai entendu des choses. Une forme étroite. Quelqu'un, venez de m'aider. Qu'est-ce que je ferais bien chez moi? Personne ne viendra, je lui dis. Comment ils vont te laisser ici? T'es qu'un pauvre technicien. Partons ensemble. Vous êtes capable de me. Enfin, vous devez bien avoir des. Toutes ces machines, elles sont pas là pour rien. Enfin, vous avez des. Vous êtes un peu comme un super-héros, une super-héroïne peut-être, ou un truc. oui. je veux dire. je n'ai pas ces références, mais ok. T'es parti à quel âge? J'avais 12 ans. Je pense pas que mes parents étaient du style à me montrer les Avengers. Bon, en tout cas, clairement, son regard pétille. Il te voit, alors peut-être pas lubriquement, mais là, c'est plutôt sur un piédestal un peu, tu vois. Il voit en toi Wonder Woman, quoi, en gros. Que sais-je. Je vais dire, ensemble, nous pouvons fuir cet endroit horrible. Et je vais lui dire qu'il peut montrer chez lui aussi, avec son magnifique petit fauteuil, machin, tout ça. Je lui décris sa maison. Ah, alors là, il tombe sur le cul, je pense, parce que... Et il finit par se rapprocher et commencer à délier tes liens, quoi. Il te libère, a priori. T'es quoi? Toi, devant, t'es en train de tambouriner sur ta porte et tu entends des bruits de pas comme des bottes quoi, courir dans les coursives derrière. Et quelqu'un Enfin, elle s'arrête comme si une personne s'arrêtait soudain devant la tienne alors que tu tambourines devant, quoi. Eh ben, à ce moment-là, je crois que je vais retourner le lit, tu sais, le mettre un peu comme une barricade en face de la porte. Mm-hmm. Mais pas aller me planquer derrière, aller me planquer sur le côté de la porte, en fait. Une feinte. Ouais, une feinte, ouais. je vais quand même te faire faire. Alors, on est toujours dans le tuto, donc on fait des jets. Je vais te faire faire le fameux jet de perception du monde des ténèbres, qui est peut-être le truc un peu le plus bizarre. De le système. Astuce plus calme. C'est ça, ouais. C'est-à-dire plus pour identifier un peu ce qui se passe de l'autre côté avant que tu te précipites et que tu retournes le lit et que tu te caches dans l'angle de la porte. Mais dis donc. Mais c'est quoi tout ça? En fait, vous êtes fort ou mais c'est que tu vois en fait. C'est que t'as des yeux, dis donc. Pardon. Ah, pourtant, t'as fait deux. Ouais, bref. Là, c'est plus ton ouïe, en tout cas, qui. Tu l'entends clairement, quelqu'un qui s'est arrêté, donc qui a fait un espèce de dérapage contrôlé alors qu'il passait en courant, et qui allume sa radio, malgré l'épaisseur de la porte, qui communique, qui dit. L'un des sujets s'est libéré dans sa chambre. Qu'est-ce que je fais? Et il a l'air d'attendre la réponse qui doit provoquer toi ton subterfuge. Hélène, tu restes patiente ou tu trépignes d'impatience? Non, je reste patiente. Ok. J'attaquerai Alice, quand le moment sera le bon. Alice, du coup, tu es désormais libre de tes mouvements. Descendre de ton lit à côté de ce Sean qui est plein de précautions à ton égard. Oh, c'est mignon, je lui mets une main sur la joue et je lui fais un grand sourire. Alors tu vois qu'il a l'air soudain, enfin pas soudain, mais d'oublier un peu ce qui se passe à l'extérieur. Et il bombe peut-être un peu le torse même et il essaie de se ressaisir, quoi. Prendre une respiration, genre c'est son moment. Tu sais, c'est le héros, c'est un héros lui aussi. C'est ça. Il dit bon, est-ce qu'on ferait quand même pas mieux d'attendre? Parce que c'est pas un héros, en fait, de ouf. Oh, putain. Je sais pas ce qui se passe dehors. Je ne vous connais que sous le nom de sujet numéro 3. Bah, je vais quand même me présenter. Je lui dis non, mon nom c'est Alice. Et maintenant, fuyons. S'il te plaît. Bah, il dit rien. Il reprend une respiration longue et tu le vois qu'il ressort ça ou qu'il a la carte qu'il a autour du cou, qu'il se rapproche de la porte et en déclenche l'ouverture. Et tout cela se passe en synchrone alors que toi, on ouvre ta porte, t'es quoi tu vois ce qui se passe ou t'es caché Ah non, je suis vraiment caché contre. Sur le côté de la porte, je regarde pas au travers de la porte, j'attends qu'une silhouette passe à travers la porte. Ok. Ce que tu vois, du coup, c'est deux bras tendus, tu sais, comme quand on tient une arme de poing, au bout, enserré dans les mains, c'est un taser. Un taser qui a l'air assez costaud et qui permet du coup de projeter, vous savez, comme les tasers de flics américains, là, des fils hein, et donc à une certaine distance. Il pointe ton lit renversé. Pour l'instant, tu n'en vois que les bras. Pour une bonne raison, c'est qu'il ne va pas avancer beaucoup plus puisque derrière lui, une autre porte s'ouvre et il y a Sean et Alice. Quoi. Et lui, je vois coup, toi, derrière l'épaule. C'est toi, comme tu si vois quel... que les bras. C'est comme si quelqu'un avait une arme de poing dans chaque main ou c'est deux bras droits de deux personnes différentes que je vois. Alors ma description devait être bizarre. Hein. Il en serre son taser à deux mains. C'est, tu vois qu'un seul personnage qui était Alice derrière l'épaule de Sean, tu vois ce dos de garde de sécurité qui rentre dans une chambre assez similaire à la tienne de l'autre côté du couloir. C'est quoi la réaction de Sean? Je pense que quelqu'un va agir avant, mais du coup, si. Ah. Enfin, je pense que du coup, Tekoa va s'abattre ou pas. Hein. Mais si on peut le laisser agir aussi. je pense pas qu'il, en tout cas, il ressente la présence d'un agent de sécurité comme une menace pour lui. Ouais, enfin, il est en train de me faire, il est en train de me faire sortir, donc je sais pas ce qu'il en pense, mais. Bah, si c'est ta question, en tout cas, il prend en fait et cause contre toi, pour toi, pardon. Okay. Contre la menace, non, contre la menace extérieure, mais ouais. pas la sécurité locale des lieux. Ok, moi je reste passive, je regarde la scène, comment elle va se dérouler. Okay. Moi, si je vois justement les bras du mec qui fait subitement demi-tour, j'en profite aussitôt pour sortir de ma planque et me jeter sur lui, essayer de le plaquer au sol. Hein. Très bien. Bagarre. Ouais. Enfin. Oh. Mais là, du coup, t'as Hélène qui va gratter à sa porte. Laissez-moi couper. Alors, il me semble que agripper, plutôt que se battre, c'est un autre jet. Donc oui, ça va être force plus bagarre, moins la défense de l'adversaire. La défense d'un garde de sécu est de 2. Oula, mais ça, oui. Donc force plus bagarre, moins 2. Et bah, je vais claquer un point de volonté. Ça va pas du tout, cette musique. Force plus bagarre. Bah, ça dépend le résultat de Chuchot, quoi. Si ça se passe mal, si ça va. S'il se fait défoncer, ça va. On est d'accord qu'il peut se faire truffer de plomb. Il peut se faire taser. Au ouais. bout d'une heure. Ah, taser, ça va. Oh, sa race. Ah. Zero success. Ok, donc tu lui tombes dessus. Dévoilant ta présence, cependant il échappe à ton emprise, quoi. Il doit s'extraire. Peut-être es-tu encore un peu groggy, ça fait peut-être beaucoup plus longtemps que tu ne le pensais que tu es alité, et du coup ouais, tes muscles ne répondent pas comme tu le voudrais. Et tu lui tombais bien dessus, mais il t'écarte violemment, te repoussant. Tu te prends les pieds dans ton lit qui est à moitié renversé de derrière, et tu te pètes la gueule, quoi. Et il se retourne vers toi avec taser en main. Tu entends des bruits au loin, toi, Elaine, derrière dans ton lit, quoi. Tu entends que ça chahute. Par contre, Sean, il dit... il doit l'appeler par son prénom, l'agent de sécu. Bah, Jean-Louis, hein, du coup, cette fois. Parce que... Allons-y pour Jean-Louis. Juan Luis, peut-être, je sais pas. au moins, t'étais encore là, toi. Et l'autre le lui dit... Attends. Il s'en va tenter de tirer au taser sur l'ami. T'es quoi ? Parfait. Ta défense ne rentre pas en compte. Moi aussi, je suis en mode tuto. Dex, arme à feu. Ouais, je suis une merde. Faut pas dire ça comme ça, c'est trop violent. Allons. Ah oui, mais c'est vrai que moi j'ai ma boîte à dés. Ah oui, on va reprendre ce système. Ah oui, comme ça on peut râler à chaque lancer de dés. Oh oui, lance tous dés, c'est pas normal. Oui. il lance des dés physiques, lui. C'est ça. Oui. Attention, j'ai l'oreille, hein, je sais compter le nombre de dés qui tombent. Ouais, bah tu vas voir, 200 000. Là, il y a 4 dés déjà. Oh putain, t'es vachement fort. Parce que oui. Et je fais 2 succès. Okay. Et du coup les dégâts oh mais c'est pas ouf. T'es quoi, il va être técouille. Attendez, on va reprendre je reprends un bon vieux jeu. Je m'assure de ça va faire 2 points quand on arme improvisée. Mais non. Je l'ai perdu. Zut. Ah. J'en ai beaucoup trop des flingues. J'ai tout l'arsenal de tous les mondes des ténèbres regroupés en un. Mais bordel, qu'est-ce qu'il y a comme flingue? Bon, écoutez, on va dire que ça fait 4 points de dégâts contendants, ce qui est beaucoup. Ah, attends. Finalement, c'est une matraque. Aïe, aïe, aïe. Ah, pour moi, les dégâts électriques, c'est contendant, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est contendant. Ah non, ranged? Stun gun moins 1 sans déconner. Ah, mais c'est les dés qu'on jette, et oui. Mais c'est de la merde. Ça me va très bien. Ouais, mais du coup, tu peux jamais taser un mec pour qu'il tombe, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah ouais, ouais. Sauf si ça a un effet. Ça doit avoir un effet. Et ouais. Sinon, c'est un peu tout naze. Bon, pardon, l'amateuriste, c'est ça le changement. Mais c'est le tuto, c'est normal. De la demi-heure d'avant. Écoute, c'est un taser pour le bien de cette fois, juste tu te fais taser. Et reste sur le carreau pour quelques minutes. Ok. Ok. Et en termes de mécanique sur les points de santé, je fais quoi? Bah, tu prends la max en dégâts de bashing, mais. Ah oui, donc ça nous permet de revoir le fonctionnement des points de dégâts sur les feuilles. Du coup, tu vas faire simplement une coche sur tous tes points de santé. Ok. Mais en vrai, non, là, ça me paraît beaucoup trop. On va rester sur les règles de dégâts de bashing que j'ai fait là. Donc ça m'a retiré un dé. Là, tu vas juste mettre un qui va persister pendant un quart d'heure du coup. Par contre, t'es KO pour 5 minutes. J'irai lire ce que ça fait qu'un range de stun gun, mais j'ai juste le tableau, là, j'ai pas le détail. Alice, tu vois du coup. Ouais, ça va s'effondrer au coin. Enfin, je vois, je devine parce que j'imagine que j'ai pas une ligne de vue directe sur sa chambre. Non, ouais, effectivement. Ouais. Tu l'entends couiner. Je sais pas, ça fait un glouglou. C'est comment un oiseau qui se fait taser, on sait pas. Bah, je pense que je vais arracher des mains la carte de sécurité de Sean. Ouais. En lui disant allez, maintenant il faut faire sortir tout le monde et se casser d'ici rapidement. Je lui prends la carte des mains et je vais aller biper la porte d'Hélène. Ok. Bah, de toute façon, vous êtes dans un espèce de couloir extrêmement étroit. Où il y a, ouais, tu sors d'une chambre, il y en a une sur ta gauche et deux en face de toi, quoi. Il y a que quatre portes, et après le couloir se poursuit à ta droite. Ok. Mais ça, c'est assez peu étendu comme zone okay. Des tensions là. Bah, de toute façon, comment je vois ma chambre, je vois celle où il y a Tekoa, je visais la chambre la plus logique où on aurait pu mettre Hélène, quoi. Ouais, bah il y a les deux autres, quoi, celle qui est directement à ta gauche et celle qui est en face. À côté de celle de Tekoa, mais là, voilà. Pour le bien du tutoriel, il se trouve que aussi, c'est la bonne. Ah le destin. Si c'était pas la bonne, je me téléporte dedans. Oui, Sean est interdit, quoi. Il te laisse. Peut-être il a eu un faux espoir parce que tu sais, sa carte magnétique était pendue autour de son cou, donc il a fallu que tu lui enlèves il a un petit frisson. Et du coup, voilà, la porte s'ouvre. Elaine, tu es peut-être caché avec la couverture jusqu'en haut du nez. C'est un peu ça. Mais tu vois que derrière, c'est Alice qui ouvre la porte dans une magnifique blouse extrêmement légère. Carte magnétique en main. La porte électronique s'ouvre. Ah, mais je la reconnais, on est d'accord qu'on s'est déjà vu ou qu'on s'est enfui ensemble, c'est ça l'idée. Oui, vous avez vraiment la, souvenir. La fille qui change de couleur, c'est moi de toute façon. Oui, aucun doute, vous avez un passé de... Comment dire, presque d'anciens combattants, mais comme dans des cauchemars quoi. Partagés en commun, mais oui, c'est quelqu'un qui t'est allié, tu n'as aucun doute là-dessus, c'est quelqu'un qui t'a vécu tout un tas de choses, même si c'est très flou. Ok. Bah, je vais me lever directement, sans un bruit, je vais regarder s'il n'y a pas un autre scalpel au besoin, parce que j'avais fait vite, j'ai pris le plus proche. De toute façon, je vais dire, Hélène, il faut qu'on se sauve d'ici. Oui, j'arrive. J'arrive, si j'en trouve pas un très rapidement, je me mets directement sur ses talons, quoi. Mes talons à moi, je pensais te suivre plutôt. Ah bah écoute, mets-toi sur mes talons alors. J'avais oublié que les adultes prenaient pas leurs responsabilités. Mais pas de soucis, ouais, je me mets devant du coup. En termes de ce que tu trouves, il doit y avoir tout un tas d'ustensiles presque chirurgicaux. Hein. Donc tu peux effectivement trouver deux autres types de scalpels. Si, je sais pas, tu les jettes, c'est pourquoi t'en fais la collecte. Ah non, je veux un dans chaque main et puis je vais défoncer du gardos, tu vas voir. Je t'arrête hein, si tu commences à essayer d'entailler Sean, on est bien d'accord. Oui, mais j'entamerai pas Sean parce que il a l'air. Je pense que. Il est avec moi. D'accord. Alors, je le regarde avec sûrement une étincelle de colère dans les yeux, quand même, vaguement. Et puis après, je file sur mes petits pieds, sur la pointe de mes petits pieds, quoi. Donc le garde, lui, n'est pas resté inactif. Hein. En fait, s'il t'a pas vu Alice faire, c'est qu'en fait, il s'est jeté après sur Tekoa et il a l'air en train de lui lier les poings dans le dos avec Bon, bah, tu vas voir ses liens de plastique, là. tu vas voir s'il va lui mettre les poings dans Sean est en train de lui parler. Du coup, il y a une discussion à distance qui se fait. Et puis, vous entendez le garde Juan Luis, du coup. dit à Sean, injecte une dose de... Putain, il me manque ce mot. Comment? D'anesthésiant. D'anesthésiant. Supplémentaire au sujet, il y en a un qui s'est libéré. Et là, oui, il fait un petit... Sean fait un petit... Parce qu'il sent que peut-être il a fait une connerie. Et du coup, vous deux, Du vous coup, sortez en courant, deux sur de la chambre. en courant, je dis à Alice, c'est lequel le tien? Le technicien. Ok, bah, je me jette sur le mec avec qui est en train de lier les poings de Tekoa, quoi, du coup, en termes de fiction, et je vais lui trancher la gorge. Mon Dieu, ah oui. Ah bah avec le scalpel, on va faire ce qu'il faut, quoi. Tu vas Ok. le buter? Bah oui. Oui, moi quand on fait des expériences sur moi, je suis pas contente, hein. Du coup, je pense que ma fureur s'embrase d'un seul coup. Je dois prendre mon élan quelques pas et aller le planter en fait directement, peut-être pas la gorge, je sais pas, Je recherche les. j'y ai peut-être pas accès directement. La valeur de dégâts Bah, d'un là, après, scalpel. il est dans une situation particulièrement défavorable pour lui, puisqu'il doit être sur le dos de Tekoa et il Ouais. tourne le dos, quoi. Il est en train de parler à Sean sans le regarder. Je pense pas Ah ouais, qu'il un bon plaquage ventral, quoi. Bah il a pas de défense du coup, quoi. Non, il a pas de défense. Et donc, mais par contre, je suis en train de rechercher la table de jet de clarté. Ah oui. Alors, sans surprise, hein, tuer les gens, c'est très très bas. Il me Je semble, ouais. sais, après, hein, c'est quand même des circonstances particulières. Ils ont fait des expériences sur nous pendant des mois. Oui, mais je crois pas que ce soit. C'est pas Je sais comptabilisé pas dans ta table, comment. ça c'est sûr. Ah bah super, bah, bravo, bah, encore du Non, fa enfin, non, mais le je veux dire, là, c'est fascisme. pas. comment dire? Je sais pas, c'est un garde là qui est armé d'armes non létales, qui te tourne le dos, mais Après, peut-être. j'ai peut-être pas le tuer, hein, du premier coup, on verra. Hein. Ok, ben je sais pas du coup si c'est trancher la gorge ou si c'est le dernier souffle qui provoque la clarté, le jet de clarté. Mais on reste dans le tuto, moi je trouve ça intéressant. Peut-être bah, tu peux pas décroître tout de suite d'un point Après, c'est pas grave ça. de clarté. Hein. De toute façon, le vrai seuil, c'est quand on descend en dessous de 6, puisque en dessous de 6 Bah, de c'est pas clarté, on loin ne peut ça. plus faire l'entendement. Ah, bah, c'est pas très long ça, je On suis à 7, je crois. n'arrive plus à. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Alors, 7, ouais. killing another changeling, killing a fetch, c'est à 5. Killing a human, putain. Bah ouais. Bah oui, hein. Oui, mais serial murder, c'est vrai que. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas encore en Là. série, hein. Non, non, non. Mais casual ou collusive crime against. Ouais, killing a human, je sais pas. Si c'est à assassiner ou si c'est tué dans un combat. Ah bah c'est tué en combat, on se bat quand même pour notre vie pour sortir. Oui, mais à votre avis, le déclenchement de ce jet de clarté? Ah bah je dirais que Ah, c'est si le mec meurt. c'est l'assassinat, ouais. Bon, eh bien, écoutons, voyons si on pousse un peu avec les réactions, peut-être voilà, en rendant les réactions plus humaines du garde, à voir si lui-même ce qu'il fait en réponse à ton attaque. En tout cas, tu arrives derrière lui, tes scalpels en main, et tu t'en vas, bah, je t'en prie, hein, faire un dextérité arme. Arme blanche. Arme blanche, et du coup, quand on fait ça, il faut sélectionner une arme. Ah ouais, c'est. Ah oui, je me rappelle de ça. Scalpel. Qui elle-même a des. Bah, pour l'instant, mets le scalpel, je vais voir si je trouve un. C'est mêlée finesse de combat, c'est ça, hein? Putain, j'ai des dégâts par calibre. Non, mais. Ce que je sais jamais. Mêlée, J'ai ouais. finesse de combat Blanche, quoi. proposée. Ouais, mais c'est pas proposé. C'est pour ça que je te demande. Non, mais ça caractérise pas le jet. Ça va plus apparaître D'accord, ok. sur le jet en détail. Ce qui compte, c'est les dégâts qui, eux, Bon, qui vont doivent être à lancer moins 1, potentiellement des j'imagine, dés hein. supplémentaires, je crois. C'est pour ça qu'on va essayer, là. J'imagine que c'est à moins 1. Un Alors, scalpel. Knives and Dagger. « Scalpel, c'est un autre nom en anglais? Non, non, bah ça va être knife and dagger, je pense. Je suis pas sûr qu'ils aient mis la table des. Prends un couteau. Je suis pas sûr qu'ils aient mis la table des scalpels. J'ai une immense liste, ça se chute, putain. Hein? J'ai une immense liste. Ce serait dommage de ne pas être précis. Oui, mais c'est ça. C'est scalpel en anglais. Scalpel en anglais, c'est scalpel. C'est scalpel. C'est ce que je me demandais. Oui, mais je te confirme, je viens de vérifier. Qu'est-ce que switchblade, trench knife, bundle dagger? J'ai des tools aussi, peut-être S2. Ouais, mais il y a moyen que ce soit une arme improvisée ou une connerie du genre aussi. Hein. Mm-hmm. Bon. Eh bien, écoutez, je m'en vais prendre un couteau en base. Hein. Ah, Razor Blade. Ah, c'est pas mal ça. Shard ouais, of Glass, parfait. Shive. Homemade sap, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Razor c'est Blade. Les Razor Blade, c'est les trucs, non, non, mais c'est les trucs des détenus, tu sais. Ouais, c'est vraiment la lame de rasoir que tu tires. Ouais, là, ouais. T'as quand même un manche. Ouais. Et qui est bien adapté à mes petites mains, en plus. Le mec qui... Le mec qui en rajoute. C'est ça. T'as une spécificité... Ouais, t'as une spécialité en scalpel ou pas? Non, j'ai une spécialité en épée. Ah. Et j'ai un art martial fiery aussi. Alors j'ai traduit Switchblade sur Google Trad et c'est marqué interrupteur. Je pense pas que ce soit ça. Si, je me bats plus d'interrupteur. Voilà. Ah non, c'est un couteau à cran d'arrêt. Oui, c'est un cran d'arrêt. Alors si un couteau à cran d'arrêt fait 0 leto, je t'invite à mettre 0 leto. Ça me paraît déjà pas mal. Pocket knife, c'est moins 1 létal. En tout cas, ça transforme tous tes dégâts en dégâts leto. Ok. Ce qui est déjà sacrément bien. Je note hein, ce qu'il faudrait que je trouve. Je peux lancer le détail. Du coup, c'est l'idée. Ouais. Okay. Tu lances sans sa défense, du coup. Okay, donc, je vais aller regarder pour plus tard ce que ça fait qu'un taser. Et quelle pelle. Hop, merde. Toc. 4 dégâts. Ah, ça picote, ouais. Ok, décris-nous ton attaque. Ah bah du coup, j'arrive par derrière et je pense que vu la position, je vais avoir du mal à arriver à son cou, en fait, mine de rien, vu que je suis menu. Donc je vais le taillader dans tous les sens, au niveau sûrement de la nuque et des différents... Il est en armure, une espèce il d'armure. Enfin, tu sais pas s'il a un vrai mince gilet pare-balles. C'est en tout cas, il a une espèce de tenue tactique en haut, mais plus d'uniforme entre le geôlier et le... Et l'agent de sécu privé, quoi. Okay. Il a une petite casquette. Tout son uniforme est bleu nuit. Il a un symbole jaune avec le nom de la compagnie sur le pectoral droit. Tu sens pas spécialement de résistance dans ses vêtements alors que tu les taillades. D'accord. Et tu vois, du coup, du sang et des cris affolés alors qu'il... Parce que pour... qu'une petite démonette rousse... Ça. Pour lui, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Lui saute dessus, quoi. Pour le visuel, globalement, il devait y avoir le pote de le futur mec de d'Alice à côté. J'ai volé quoi, trois petits pas, un saut, sa taillade sec. Et je pense que pour terminer, je dois poser ma lame sur sa gorge en lui disant si tu bouges, tu meurs. Tu vois, un truc comme ça, quoi. Ok. Continuons le tutoriel. Un jet d'intimidation. Ok. Merde, c'est foutu ça. Ça, c'est, je suis... C'est un truc en soi. C'est... Ouais. Est-ce que c'est sur la présence? J'ai envie de dire que c'est sur la présence. Oh, bah, je jette pas de dé, du coup. Je pense aussi. C'est un dé de chance. C'est vrai? Bah, j'ai 1 en présence et moins 1 si je suis incompétent et j'ai 0 en intimidation. Donc là, peut-on peut-être activer les modificateurs de situationnels? D'accord. Où est-ce qu'on peut faire une action combinée? Ah, continuons le tutoriel. Parfait. Une action collective. Alors, déterminer qui est le personnage principal de l'action, c'est donc... Bah, c'est clairement Hélène. Déterminer le nombre de personnages assistant le premier. Je crains que Tekoa ne soit pas capable d'aider. Donc, 1. Et les personnages assistants... effectue en premier le même jet que le personnage principal. Tout succès s'ajoute au jet final du personnage principal. C'est beau, putain. Donc, Alice, je t'invite à donc nous faire un jet de présence plus intimidation. Ouais, bah ce sera présence tout court parce que intimidation, j'en ai pas. Moins 1, quoi. Ben non, parce que je suis fereste, j'ignore les malus sociaux. Mais oui. Attends, parce que. Ah ouais. J'ai même une pénalité de 2 sur les compétences sociales, moi, en tant que flétri. Oh la vache. Bah écoute, je vais faire ce que je peux pour t'aider, mais en vérité. En vérité, donc, je vous le dis. Mais c'est pas un dé de chance, c'est ça? Non, bah attends. Tu bah, voilà. Ouais, bah... Plus 1, voilà. De toute façon, je t'apporte 0. À toi maintenant. Bah c'est un dé de chance, du coup, en vrai. Donc moi, mais les circonstances, c'est quand même qu'il ne sait pas quel genre de créature vous êtes, malgré qu'il soit votre geôlier. Donc il a une peur quand même de vous. Hein. Il vient de se faire déjà blessé ouvertement, enfin assez gravement. Sérieusement. Ça pisse. Et il est conscient de son armement qui est minimal, c'est-à-dire que peut-être devines-tu une... Enfin, sa recharge de taser est encore dans l'épaule de Tekoa. Je vais pas réussir avec toi. Et juste à la hanche, il a une espèce de matraque télescopique. Mais ça a l'air d'être tout. Il n'est pas doté d'armes à feu. Ni... Donc, je vais te donner un bonus de 2D. Ouais, ce qui me met toujours à 0, du coup. Merde, enfin, t'es à moins 2 comment... Bah ouais, je suis à moins 2, ouais. Si tu veux, je suis à 0 normalement. J'ai mon malus de Wizend qui est à 2, de 2D. Pénalité de 2 sur les compétences sociales. les mains de présence en plus perdent les relances de 10. Ouais, c'est super ça, c'est parfait. Et bah, ton bonus du coup qui me ramène à 0. Donc ouais, c'est un dé de chance. Mais tu vas faire 10 de toute façon. Alors est-ce que ça le transforme en pas de dé de chance ou ça reste un dé de chance? Je sais pas. Là j'avoue que je ne sais pas. Il faut que. 0 moins 2. Moins 2. Ça fait... Bah si, c'est toujours un dé de chance au final. Ouais, pour moi c'est un dé de chance. Hein. Pas de dé, donc tu coup, ça le cumule, tutoriel. Ça se cumule le moins 1 si incompétent et ton malus de moins 2 bah, non, c'est déjà le total qui vient de compter. Ouais, c'est-à-dire que ton moins 1 se transforme en moins 2 parce que... Ah non, c'était mon moins... C'était... Non, mon moins 1 plus mon moins 2, j'étais à moins 3. Si tu veux. What? Bah ouais, du coup, non. Pour moi, le fait que tu sois un flétri, toutes les compétences sociales n'ont pas ce moins 1 si incompétent, mais ont un moins 2 si incompétent. D'accord. Net, quoi. Ok, d'accord. C'est pas additionné. Ok. Bah du coup, ça fait un dé. Du coup, oui, ça fait un dé. Donc c'est pas un dé de chance, c'est un dé. Donc tu nous jettes un dé avec une potentielle relance. Holy ah bah non, parce que... Ah bah non, non. C'est un dé. Compétences tout court. Normale, sans relance. C'est testé. Mais tu ne risques pas l'échec critique. Oh eh. Wow. La chute. Pardon. Wow. Easy. Bah, tu le vois, du coup... ouais, je sais pas, lever les mains ou... en tout cas, plutôt les apposer sur les blessures que tu viens de lui faire et te dire... Arrête, petite furie foutez-moi la paix, bande de frics. N'est-ce pas? Ah, ouais. Sean, qu'est-ce que tu fous? Aide-moi Je vous jette un regard noir au Sean, au cas où s'il veuille, il ait l'idée de bouger, tu vois. Ouais, ok. Bah, genre scalpel en main, peignant de sang. Excuse-moi, Juan Luis, mais je crois que je vis l'un des meilleurs moments de ma vie. Raciste. Bon bah t'es quoi, il semble cuit, qu'est-ce que vous en faites là, maintenant que bah, vous... je vais... Non mais de toute façon, je suis convulse un petit peu. Vous voyez un poulet à qui on... Je prends son pouls, tu sais. Ah, il est mort. Alice récupère la... Oui, bah évidemment, je vais comment je vais le libérer, et puis je vais essayer de le porter. Du moins, de l'aider à marcher le temps qu'il reprenne ses esprits. Ok. Et puis je demande à Sean, sortons d'ici. Alice, prends la matraque. Prends une arme, prends un truc. Fais un truc. Prends sa matraque et je dis, t'aurais pas un couteau à tout hasard? Non, pas Alice, hein, le couteau, je demande au garde du coup. Ah. Parce que toi, j'imagine que bien que t'as rien, tu dois être dans la même tenue que moi en fait. Oui. Un couteau? Non, j'ai pas de couteau, c'est pas dans mes affectations. Je n'ai que cette matraque télescopique et ce taser. Tiens, bah prends les deux. Qu'est-ce que vous allez faire de moi, bande de créatures Bah, rien du tout. Je vais prendre sa carte comment, d'accès et je vais l'enfermer dans la cellule de Tekoa. Pire vue. Ok. Qui nous emmerde pas. Okay. Et après, cassons-nous. Je file la matraque à Alice et je prends le taser pour Tekoa quand il sera réveillé. Ok. J'attends qu'il regarde d'ailleurs pour jeter la matraque. Je pense que t'as, à la base de la crosse, t'as une autre recharge quoi, que tu peux mettre à l'avant. Mais du coup, t'as que deux tirs. Quoi. Par contre, le voltage a l'air extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'il peut mettre KO quelqu'un sur une touche, quoi, comme on vient de le voir. Oui. Quelqu'un a pris la matraque, c'est ça? Bah, a priori, elle l'a acheté. Donc, Ah, non, d'accord. Non, j'ai pas écouté. Après, donc, si t'en veux pas, tu me le dis. Hein. Si t'en veux pas, tu me le dis, je la garde. Là, je sais pas, tu m'as envoyé une matraque et je suis en galère à essayer de porter tes koas. Bah, je peux te la garder. Je l'ai balancé à côté. Ouais. Oh, bon, je pense qu'il y a Sean qui l'a ramassé. Ok. Et il essaie de faire des moulinets, justement, comme dans Kick-Ass. Je lui fais le même regard au cas où il ait la mauvaise idée d'essayer de s'en servir. Il te sourit et il te fait un pouce en l'air. Je dois voir un. Ouais, ok. Très bien. Après, il doit quand même halluciner. Tu n'es qu'une petite rousse, mais... Oui, c'est vrai. Mais il va voir okay. Ce qu'il va voir. En avant, il se passe quelque chose. De toute façon, ici, il faut qu'on sorte. Il faut qu'on s'en aille. Voilà, quelques minutes se sont passées. Hein, je pense que on va faire jouer Tekoa. Ouais, quand même. Tekoa. C'est-à-dire qu'alors que tu peines à le sortir, et peut-être les mouvements... vous n'avez pas, vous, de choses qui peuvent aider en termes de contrat? Non, vous êtes pas trop sur le bœuf. Non, je peux. Que quand on dort. C'est ça. et pour le lendemain. Donc là, on n'a pas vraiment le temps, quoi. Ok. Je peux le brûler pour qu'il se réveille, mais c'est tout. Je suis pas sûr. Tu peux le brûler pour qu'il se réveille. Non, faisons pas ça. Bon, simplement le fait de te faire secouer dans tous les sens, Tekoa, et je pense que peut-être Hélène n'est-elle pas très costaud, hein, donc peut-être je sais pas, elle s'y reprend à deux fois, tu tombes. Pour te tirer. Ouais, ouais. Bref, tu finis par réouvrir un œil. Bah alors, je suis pas très costaud, mais bon, je sais pas. Ah non, pardon, je voulais parler d'Alice. Ah, oui, bah non, je suis vraiment pas forte du moi, tout. Moi, ça va. Hein. Du tout. Ok. Du coup, voilà, tu es également éveillé. Il reste une porte hein, non loin de vos cellules. Je vais libérer Jasper, hein, évidemment. Hein. Ah, voilà. Et puis par contre, oui, il va falloir que vous retrouviez un peu les espaces dans lesquels potentiellement vous aviez subi tout un tas de tests et qui sont dans ton souvenir le lieu où sont entreposées des espèces de créatures bizarroïdes et dont Jasper. Du coup, oui, vous vous engagez. Le garde là, il est dans. Dans quelle situation il est conscient, il est assommé. Bah Alice l'a enfermé dans ta chambre. Ouais. Ok. Désolé, je l'avais pas su. Je te balance le taser d'ailleurs. Tiens. Tekoa. Ok, bah je le ramasse. Faut que tu mettes la deuxième recharge dessus. Donc il te reste une recharge, ouais. Il n'y a pas eu de comment dire. D'aide hein, qui est descendu ni pour le garde ni pour Sean. C'est peut-être lui qui vous guide, je ne sais pas comment vous voulez vous procéder. Bah oui, c'est lui qui connaît le mieux les lieux. Hein. Je t'entends faible, Axel. C'est lui qui connaît le mieux les lieux. Hein. Mais, c'est pas tout à fait ce que j'imaginais, Alice. Ils vont sortir et après on fera ce qu'on avait prévu. Ok. Je peux vous demander ce que c'est vos pouvoirs? Oh, on n'a pas le temps pour ça, emmène-nous dans la salle où sont toutes nos affaires. Vos affaires? Je crois que vous allez être déçu. Oui, je vous ai pas vu trop d'affaires. Comment ça? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et pourquoi lui il est venu tout seul? Pourquoi... C'est quoi ce bordel? C'est quoi le truc qu'il y a eu avec la lumière? C'est grondement. J'en sais foutre rien, c'est au niveau de l'espèce de Stargate. Il se passe un truc. De Stargate. Stargate. J'ai pas la ref. Merde, mais c'est vrai, vous savez pas. Pourquoi vous avez pas vu la série? Et les films? Non, vous êtes... Non, c'est encore une fois, je lui dirais ça joue et je lui dis Sean, tu es beaucoup plus mignon quand tu parles moins. Je dis. Ah. Je dis non, moi c'était trop violent pour moi, j'avais pas le droit de regarder. C'est vrai que j'aime bien les personnages de sombre. Les brins sombres et mystérieux. Et là, il touche ses cheveux, il quelle couleur? Il est de trou, celui-là. Non, pardon. Châtain clair. On s'en fout, putain. Les blancs vénitiens, s'il te plaît. Ok, suivez-moi, mais. Il faut qu'on vous trouve d'autres habits, ça vous allez pas passer inaperçu, même si on réussit à. Enfin, et pas investir. C'est pas bête, ça. Bah, si. Bon, on va investir, alors. Mène-nous là-bas. Et après, on file. Ok. Du coup, vous vous élancez dans le couloir sans avoir visité le reste, hein, du coup, pour aller vers plutôt. On est bien d'accord que j'essaie quand même de récupérer Jasper. Hein. Oui, mais du coup, c'est au-dessus, a priori. Salle de test et la Stargate, a priori, c'est au-dessus. Du coup, ouais, vous remontez des escaliers pour. Là, vous subissez désormais à plein tube l'alarme qui résonne et un espèce de différentiel de température vous saisit alors que il fait très froid dans le couloir dans lequel vous arrivez. Vous voyez qu'il y fait sombre, mais vous vous rendez compte assez vite et peut-être en. Oh merde. À l'occasion de crissements, putain, vous êtes pieds nus. En tout cas, il y a plein d'éclats d'ampoules ou de restes de néon. A priori, toutes les lumières ont éclaté à ce niveau. Oh bah du coup, moi, je me fais des, j'arrache ma comment dire, l'espèce. Tu fais des bandelettes sur tes bandelettes. Mais non, mais tu sais les, j'imagine qu'on a une espèce de tenue d'hôpital avec le. Ouais. Une merde. Bah, même avec l'image que je suis en vie, bien sûr. Ouais, parfait. Bah écoute, je l'arrache et je m'en fais des bandelettes pour les pieds, quoi, pour pas me blesser. Donc, j'entoure mes pieds avec. Okay. Sean quitte sa posture de brin ténébreux, puisque voilà, ça, il pète de trouille à l'arrivée dans ce décor qui a l'air plus. Enfin, ouais. Plus impacté par ce qui se passe que l'étage d'en bas. Et il attend que l'un de vous passe devant et dit. J'y vais. Hein. La Stargate est sur la droite, tout au bout des coursives. Par contre, les salles de test sont juste à gauche là. Mais ouais. C'est qui le costaud? Il regarde, je pense, t'es quoi? Moi, je passe devant. Ouais. Et moi, je regarde Elaine. Et du coup, tu te diriges dans quelle direction? Vers la Stargate ou vers les salles de test? Ah, vers les salles de test, ouais, clairement. À gauche, on va aux salles de test. Oui, ouais, tout à fait. Ok. Ouais. Du coup, silence, l'air froid, enfin non, le silence, pas du tout. Pas de signe sonore de combat, à part cette alarme qui résonne en boucle. Vous frissonnez clairement, voire même vos souffles produisent-ils un peu de buée, enfin pas de la buée, mais ah ouais. Un petit souffle. Ouais, ouais. On est dans des pièces où, comment manifestement, les lampes ont pété, c'est ça le plan. Est-ce qu'on voit d'autres traces à part des lampes pétées? Qu'est-ce que tu penses? Bah, je sais pas, des traces de combat, des trucs renversés, quelque chose qui me permettrait de savoir qu'il y a eu un sacré bordel ici et pas juste des lampes pétées. Ouais, des trucs renversés, ouais. Pas de traces, pas de sang, pas de corps pour l'instant, j'allais dire. Là, comme s'il y avait eu un énorme déchaînement de vent ou que je sais pas, ou quelque chose d'assez gros pour tout emporter dans ce couloir, quoi. Ok. Oui, peut-être voilà des espèces de chariots renversés, de machines aussi aux usages qui vous sont inconnus. C'est vrai qu'aucun de vous n'a d'informatique ni de trucs un peu comme ça. Pas du tout. J'ai un en info. Non, bah ok, c'était juste pour savoir. Par contre, voilà, ouais, vous arrivez finalement dans une image qui, dans un décor qui ressemble plus à l'image du dessous là, avec des espèces de, un espèce de labo. Bah, du coup, toutes les vitres ont pété. Alors, je pense que c'est quand même des espèces de parois assez dures, donc elles ont pas volé en éclats, mais elles sont brisées, permettant assez mal de voir à travers, quoi. Et là, clairement. La grande porte coulissante est ouverte, l'alarme résonne toujours, peut-être lueur rouge, vous voyez, par intermittence. Là, il y a clairement des corps de gardes qui gisent. Enfin, donc, il y en a deux que vous voyez dans l'espace principal, autour d'une espèce de poste de chirurgie que vous vous souvenez avoir expérimenté maintenant que vous êtes devant. Et Sean, du coup, qui reconnaît les gardes, on prononce les noms, il laisse échapper un petit sanglot, quoi. Je pense que Jasper, qui est dans l'une des... Il y a un mur, en gros, qui est fait d'espèces de vivarium, dont certains sont brisés aussi, se met à gratter frénétiquement la vitre à ton apparition, Alice. Ok. Il m'appelle ? Ouais, mais tu vois qu'il miaule, mais que ça fait pas de bruit, ça a sonorisé. Donc c'est assez ridicule. Tu vois le. Ah. Ouais, tu le ok, vite. Bah, je vais demander à Sean. Est-ce que tu peux ouvrir ces vivariums? C'est toi qui as ma carte. Ah, oui, c'est vrai. je vais ouvrir les vivariums. Tous? Bah oui. Ok, parce qu'il y a d'autres créatures dans les autres. Elles ont l'air agressives, les créatures dans les autres? Elles ont l'air diverses et variées. Ok, j'ouvre tout. Oh là là, non. Mais non, mais pas comme ça, Zinedine, pas comme ça. Ok, tu ouvres tout. Bah, je commence par Jasper, évidemment. Oui, du coup, Jasper pour tout le monde, voilà, c'est lui. Hein. C'est le chat de chez Shire, un peu. Ouais, donc il a la propension. Alors, pour le masque, ça doit être un chat extrêmement agile. Mais pour ce qui est de agile dans le sens où c'est comme s'il pouvait grimper sur Alice sans trop faire usage de ses griffes ou à peine en quelques bonds. Mais par contre, vous, ce que vous voyez par le mien, sa vraie apparence, il a l'air plutôt de flotter autour d'elle. À peu près, Alice, je t'es libre par contre de me décrire un peu comment il se comporte et tout. C'est vrai que là, je prends les devants. Mais... Non, mais ça me va tout à fait. On est d'accord. Hein. C'est-à-dire qu'il va effectivement flotter non loin. Mais il est souvent quelque part au-dessus de tes épaules et sous le masque, simplement, il est assis sur le... Comme certaines personnes ont des chats, des fois couchés à l'arrière de leur tête. On en croise des fois. Des hurluberlus. Les autres, ouais, donc... vous voyez que Alice appose sa carte magnétique sur tous les espèces de vivarium. Dans lesquels grouillent diverses créatures. Mais qu'est-ce que tu fais? Attends, mais quand même, tu dois voir les apparences. Il y a quand même certaines qui ont des apparences inquiétantes, hein, des espèces de mantes religieuses aussi grosses qu'un chien, avec des ailes. Des créatures de ce genre-là. Ouais. Mais le truc, c'est que je vais déverrouiller le truc, mais je vais pas ouvrir en grand avec la tronche devant, quoi. Tu vois, genre, je déverrouille pour leur laisser une possibilité éventuellement de fuir plus tard si elle pousse la porte, quoi. Mais je vais pas non plus mettre en danger plus que ça, quoi. D'accord. Instantanément, donc, Jasper sort et d'autres créatures poussent assez intelligentes pour le faire s'extraire de leur prison de verre. Une espèce d'essaim de ce qui ressemble à des petites fées pour vous, quoi. Se met à volter produisant de la lumière. Et fuit à une vitesse incroyable dans le couloir. On n'allait pas les laisser là, quand même. Il y a bel et bien des espèces de... Vous voyez, vraiment des créatures un peu de tout type... n'a pas tant que ça, hein, de différentes, mais elles sont vraiment extrêmement bizarres. Et je pense que la plus notable, c'est cette... celle que je viens de décrire, de cette espèce de mante religieuse qui doit vous arriver à mi-cuisse... Mais t'es quoi? Ça va être l'occasion peut-être de faire l'usage de ton talents d'animaux, puisque douée d'une intelligence limitée, elle semble déployer des ailes derrière elle, mais comme le ferait un peu un paon, ou pour vous témoigner de son sa préparation à combattre. Donc okay. Ça crée une espèce de décor coloré que tu trouves peut-être très beau, Alice, hein, d'ailleurs. Sans doute. Ses ailes, ouais, qui se déploient derrière elle. Par contre, vous voyez clairement ses pattes dangereuses avec des espèces de serres luisantes. Et elle prend une espèce de position de défense. Est-ce que je repère un... Je sais pas, il doit y avoir un saut de croquettes ou de graines ou de... Comment ça ? Mais non, mais bah, faut bien les nourrir, non ? Ils doivent les nourrir. Sûrement en versant, je sais pas, je te dis, des croquettes ou des graines sur le, à travers une trappe dans leur cellule. Les fameuses croquettes à notre religieuse Fairy, quoi. Ça doit être des gros morceaux de barbac, tu vas voir. Et il doit y avoir un seau avec une petite pelle dedans. Si t'as pas de chance, c'est des rats vivants. Ça existe, les jets de chance dans le monde des ténèbres ? Tu peux toujours faire un jet de chance. Hein. Simplement, non, mais en termes de décor, je vois pas le seau traîner avec les croquettes, là, je t'avoue. Ok. Bon, elles sont nourries en intraveineuse, peut-être. Hein. Non, mais il doit y avoir un seau quelque part, effectivement. Mais là, t'es plutôt dans un environnement extrêmement hygiénisé, ça ne veut rien dire. Ouais, c'est pas une saison. C'est propre, quoi. Ok. Bah écoute, moi je vais essayer de rentrer en communication avec ce truc là, lui expliquer que on est là pour le libérer, qu'il fasse sa vie. Et comment ça ? Qu'on n'est pas une menace, quoi. Tu lui parles ? Bah je vais essayer, ouais, je vais lancer un contrat. Alors il me semble que tu peux vraiment que parler aux oiseaux. Hein. C'est pas un oiseau. C'est une montre religieuse. C'est une montre religieuse avec des plumes. Avec des ailes, j'ai dit. Ah, ça a des ailes. Bon, bah, c'est encore. Si ça a des ailes, il y a peut-être au moins un accent ou un truc, non ? Oh putain. Tu fais notre spécialiste en nature, là. Bon, c'est pas un oiseau, une montre religieuse. Ah non, mais s'il y a des ailes. Oui, écoute, c'est une créature de la féerie, c'est le tuto sur un malentendu. Ça peut passer. Vas-y, essaye. Alors. Je vais lancer mon contrat, c'est animaux plus weird. Ouais, j'aimerais bien que ça marche par contre, parce que je vais me la prendre dans la gueule sinon. Je dois avoir un bonus avec mon. Je reçois un 8 rejoues. Ok. C'est beau, ça. Et tu t'adresses à elle à haute voix ou comment ça se passe ? Il se met à cliqueter. Du bec. Et bah... Pour faire les bruits de montre religieuse. Ouais, voilà, je sais pas, je pousse peut-être des petits cris perçants. Essayer de me faire comprendre d'elle, quoi. Oh, c'est beau. Pouah. Ah ouais, bah, je lui explique que. On n'est pas une menace, qu'on lui veut pas de mal. Et que maintenant elle est libre, qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut, quoi. Sauf nous sauter à la gorge. Oui, voilà, merci d'avoir précisé. Oui, merci. Bon, alors là, je pense que Sean n'en croit pas ses yeux, il a identifié ton pouvoir. Même si le masque doit également être actif sur la menthe, alors je sais pas ce qui est. Ouais, peut-être que lui il entend une voix d'humain qui prononce, qui baragouine un espèce de langage qu'il connaît pas, quoi. Et en tout cas, la menthe religieuse chromatique ne te répond pas, hein, mais rétracte un peu ses ailes d'apparat là. Et il fait quelques pas insectoïdes sur le côté, quoi, comme pour vous contourner jusqu'à l'accès et fuir à son tour. Est-ce que tu communiques avec Jasper, Alice, ou c'est juste un chat Oh non, on peut complètement parler. Hein. Et lui aussi bah, oui. Il est capable de parole. Ah oui, il est capable de parole. Nom de Dieu. Intelligible, intellectuel. Ah d'accord, ok. Ah okay. Ouais, on est sur, sur une créature de type Dobby, mais sous forme de chat, quoi. Très bien. Parfait. Mais bon courage pour l'interpréter, au fait. Hein, c'est... Oh mon Dieu. J'espère que tu vas lui donner un accent de chat. Un accent de chat, c'est quoi? C'est un accent pédant? Tu mets des miaou à la fin et on est ton pédant, si tu veux. Oh. Des miaou? Ouais. Oh, tu es moi. Comme miaous? Alors, ça c'est... C'est ça. Miaous. Donc vous avez deux cadavres de... Je les ai spécifiés. Hein. Ouais. Si vous voulez en faire quoi que ce soit, est-ce qu'on peut les fuir? Alors, ils sont en face de grandes portes. Comment tu m'as dit que les portes et les murs en vitre ont été brisés, fissurés? Ouais. Ouais. Je vais essayer d'aller près des cadavres et de trouver un morceau de verre assez grand qui serait tombé d'un de ces murs ou de ces portes. Ok. Oui, tu trouves aisément ton bonheur. Il y a également d'autres ustensiles. Hein. Vous êtes dans un endroit de... Un espèce de bloc opératoire, en fait. Hein. Est-ce qu'il y a un Daikatana ou pas? Eh ben, excellent. Non. Si j'ai un morceau de verre assez grand, eh ben, je vais regarder un petit peu ce qui s'est passé. Alors, comment ça? Tu veux faire pratiquer une autopsie? Non, je vais regarder qu'est-ce qui s'est reflété dans ce morceau de verre. Ah, putain, il m'a fait peur. Ah non, je vais pas commencer à tailler dans le gras, je sais pas mon style. Non, c'est effectivement, les surfaces réfléchissantes ne manquent pas. Voilà, donc je vais prendre une surface réfléchissante et puis je vais rembobiner jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me dit ce qui s'est passé en fait avec ces deux gardes. Ok. Eh bien, ça me coûte un point de glamour, c'est astuce et weird. Et bah c'est parti, on va essayer de réussir ça. Hop, ça marche. Bon, tu t'es approché toi des cadavres? Quelqu'un s'est approché ou... Bah moi je me suis approché en tout cas. Mais... Ok. Donc déjà, sans faire appel à la magie, tu peux déjà voir que eux sont morts. Tu n'arrives pas à identifier de blessures. Tu ne leur vois pas de sang ou de membres voilà, impactés par une blessure létale. Par contre, ils ont l'air totalement asséchés, desséchés. Et leur peau n'est que comme momifiée, bleutée. Non, mais je regarde pas ça de trop près. Hein. Je veux juste voir ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a une créature qui vous appelle dans... Ah, c'est moi qui essaie de discuter avec la menthe religieuse. D'accord. Donc elle est restée à tes côtés. Est-ce que tu peux nous lire les faits alors de Reflections of the Past? Bah, je vois ce qui s'est passé, tout ce qui a été réfléchi dans cette surface, jusqu'à une semaine auparavant, mais je ne vais pas remonter jusque-là, ça ne me sert à rien, on est bien d'accord. Hein. Je peux m'en servir un peu comme un lecteur DVD, le truc. C'est-à-dire que je peux rembobiner, mettre un arrêt sur image, je peux accélérer. Donc en fait, okay. Je vais me contenter de prendre le présent et de rembobiner jusqu'à ce que je voie vraiment ce qui s'est passé ici, quoi. Que tu peux mettre les sous-titres pour savoir. Bah non, mais... Les sous-titres pour aveugle. Pour savoir ce qui s'est dit. t'as que l'image ou t'as aussi? Non, oui, j'ai que l'image. J'ai ok. Que l'image. Est-ce que tu peux mettre les sous-titres de Montecoa en regardant par-dessus ton épaule? Par contre, je peux lui montrer ce qui... Parce que oui, vous aussi, vous voyez ce qui se reflète dans ce bout de verre. Il n'y a pas que moi. Ah, bah c'est bien ça. Donc j'imagine qu'on regarde à trois, quoi. Par contre, pourquoi tu l'as pas fait dans les grandes vitres, histoire qu'on ait un grand écran pour en profiter? Parce que j'y ai pas pensé. D'accord. Ah, c'est pas se battre et pas très malin, moi je vous le dis, on est pas rendu. Oh là. Donc attends. Ouais, oh. Ouais, oh. Alice, que vois-tu? Bon déjà, ouais, je sais pas dans quel ordre tu vas visionner ça, mais du coup tu vois l'alarme dans un premier temps, je pense que c'est ce qui te... C'était remonté assez loin. Tu vois rouge. Enfin, tu vois la journée de travail qui s'est passée avant. Tu peux remonter à une semaine, ça. Ouais, mais je remonte pas si loin, je m'en fous. Hein. Je remonte au moment où à peu près... Je... Ouais. En avance ultra rapide, ouais, t'es retourné trop loin, enfin, t'as vu qu'il y avait de l'activité journalière dans ce bloc, qu'on faisait des essais par exemple sur les bestioles alentour, ou sur. Je pense pas que tu t'es vu vous la semaine précédente, mais bref. Après, par contre, c'est vide, en fait, et tu as juste l'alarme qui se met à résonner, enfin, tu vois, la lueur rouge plutôt. Hein. Et puis, tu vois les deux gardes se précipiter à l'intérieur, dans le champ de reflet de cet éclat. Comme s'ils venaient y trouver refuge. Ils ferment tant bien que mal les portes. Et toutes les lumières éclatent les unes après les autres. Et il y a une espèce d'obscurité qui se fait, mais beaucoup plus dense derrière la vitre. Ah bah non, attends. Oui, si, vu qu'il y a des vitres qui sont dans tous les sens. Bref, on va... ouais, ça reflète un peu de partout. Et les vitres finissent par se briser. Et il y a une espèce de fumée noire, bleu-noir, qui s'infiltre par tous les fêlures, quoi, et qui forment des silhouettes macabres, ou en tout cas fantomatiques, qui s'en viennent les assaillir et tourner autour d'eux et leur pomper littéralement leur énergie vitale. Tu les vois se dessécher en hurlant de terreur, quoi, et tomber inanimés, quoi. Bah, je détourne la tête et je fais des grands yeux en regardant mes deux collègues en leur disant vous savez ce que c'est. Aucune idée, mais j'espère qu'on ne les croisera pas. Est-ce que ça peut faire l'objet d'un jet ? On est dans le monde des ténèbres, après tout. Mmh. C'est typiquement les intelligences occultisme, ça, non ? Oui. Ben, allez, alors. Bah, ceux qui... Un seul le porte, du coup, ou Alice, ou... Enfin, celui... Ou Hélène. Moi, je suis fort en occultisme. Je suis pas très fort en intelligence, par contre. Vas-y, Hélène, si tu veux. D'accord. J'ai de compétences. Relance normale. Boum. Décidément. Hein. Ça a réussi ce soir. Ouais. Je pense que du coup, c'est ton passé de soldat ou de. Qui t'a vu avoir affaire à... C'est plus que ta connaissance théorique occulte du champ de créatures qui existent. Hein. Simplement, tu es sûr que ce sont des créatures qui sont féeriques, malgré leur apparence totalement macabre et qui pourraient avoir d'autres origines magiques. Là, tu les vois plus comme des créatures qui hantent une zone de la haie que tu as peut-être déjà eu à parcourir. Ouais, ok. Comme des espèces d'énergie gardienne, quoi. Ok. Voilà. Bah, je te transmets ces informations. Mais je suis un peu surpris qu'elle soit là, du coup. Effectivement. En tout cas, je sais pas ce qui se passe ici, mais j'ai très envie de plus y être. Est-ce qu'on pourrait y aller ? Oui. T'as récupéré ce qu'il fallait. Moi, j'ai Jasper et libéré les autres créatures, comme suffit. Moi, pendant qu'ils récupéraient le chat, j'avais dit que je voulais fouiller les deux gardes morts pour voir ce qu'ils avaient sur eux. Ah oui. Bah, je pense qu'ils bénéficient du même équipement que leurs collègues. Ils ont un gilet pare-balles ou pas en dessous ? Ils ont ce qu'on peut appeler des vêtements épais, l'équivalent d'un blouson de cuir. Alors, ce n'est pas ça, mais en termes mécaniques, ça revient. Je vais enfiler un des blousons. Ok, j'ai vu. Avec le truc. Est-ce que je peux récupérer Est-ce que je peux récupérer moi les charges de taser? Ouais, grave. Du coup, ils en ont deux chacun en plus, donc t'as 5 tirs potentiels, mais la recharge se fait assez lentement, quoi. Ok. Faut déclipser. Mais on pourra. Je vous propose de faire une petite pause bio. Ok. Oui. Allez, petite pause. Petite pause. Et puis on poursuit le tutoriel. Je sais pas comment tu procèdes, tu fais comment, Axel ? Il est plus là, déjà. Bah, il est parti faire la pause. Mais genre, on est toujours en live ? Bah, je sais pas, justement. Peut-être. Donc, faisons attention, insultons pas les... Personne, d'ailleurs. Bon, bah, pause bio. Je reviens. Re. Je recherchais les effets spécifiques des armes, mais je ne sais Ouais. plus où chercher. Ça doit être dans le livre de base, Oui, il y a des chances, ouais. Je peux regarder en même temps si tu veux. Shingling. Tu veux m'ouvrir où? C'est bien, tu m'ouvres pas dans le navigateur. Tout à l'heure, il m'a ouvert un truc dans le navigateur, ce bâtard. C'est vrai que ça, je le fais pas assez, mais re. Système, ça l'est re. J'allais dire bonjour. Ah, bonjour, Tibbs, comment vas-tu? Typiquement, s'équiper de matériel donne vraiment des dés en plus dans le monde des ténèbres, ça il faut que j'y pense aussi. Mm. Mais du coup, il faut que je vous applique pour autant des malus en l'absence de le matériel. Matériel adapté, quoi. Oui. Bon, je vais pas retrouver de taser, c'est pas possible ça. On est en live ou on est pas en live? On est en live, hein. Nickel. On est totalement en live. On d'accord. Est complètement en live. On peut pas dire du mal. Non, faut pas dire du mal de qui est là. Attends. Sonne paix. Non, c'est pour faire un petit retour sur la partie. Mais... Bah, ah bah, peux... dire. Après, je peux couper le son, hein, si tu veux. Je suis DJ. Vas-y, je coupe le son. A tout de suite, les gars. Et doucement. Ah bah vas-y, c'est bon, on est sur prêt. Dru. À l'assaut. Ah non, pardon. Tail. Non. Hein? Masse. Non. Rapière. Non. Ah. Pardon. Ah, il y a un, totalement le katana. Mais je sais pas, peut-être je préfère une rapière. Moi, j'adore les rapières. Katana, putain, il fait 3 points de... Il te rajoute 3 dés de dégâts létaux, quoi. Ah, finalement, non, le katana, c'est bien. En mieux, t'as la Greatsword, mais je sais pas si tu peux la soulever. Bah oui, avec 3 de force, j'espère bien. C'est juste que c'est quand même très peu discret. Une épée de 2 mètres dans le dos. Oui, mais quitte à faire à perso de... De toute façon, elle va s'habiller en cosplay, puis elle va faire croire qu'elle est un cosplay d'un personnage de manga permanent. Oh, parfait. Merde, je me sors de là en vie déjà. Et tu vois, oui. Même en retirant... En vrai, même en retirant mon masque, ils vont me prendre pour un cosplay. En retirant pas le masque. Si, c'est ça, c'est le masque. J'ai eu un... Ah oui, donc ouais, ça je l'ai pas. Bah, on pensait à me le faire détailler une fois que vous êtes parmi les humains normaux. Mais vous avez tout un tas quand même de facultés qui ne sont pas vos contrats, mais du fait d'être des changelins. On va harvest sa mère. Harvest entre autres, mais il y a aussi voilà, faire tomber le masque. Oui. Je crois que ça vous coûte toute votre charge. Ouais. Oui, oui. Ouais, et puis ça coûte de la clarity aussi. De glamour, ah oui. Mmh. Ouais. Mais il y a des fois. Parce que bon. Quand on. Mais c'est vrai que. Vraiment pas de croire. Alors, pour ne pas perdre de la clarity comme un porte, comment ça s'appelle, un vœu, tu peux faire une promesse à quelqu'un contre un ensorcellement. Pour l'en protéger, pour... Bah non, justement, pour lui ouvrir. Tu lui ouvres en fait le monde des changelins, donc il te voit tel que t'es en vrai. Après, c'est assez simple aussi dans le sens où il suffit d'être d'un côté d'un portail. Les portails pour vous étant très simples à ouvrir. Hein. Ouais, mais on peut pas. Ils se referment bien aussi ou pas? Oui. Non, ils se referment jamais. Ouais, voilà. Bah, ils se referment. Ils se referment, mais ils continuent d'exister, quoi. C'est ça. Il reste un point d'accès potentiel après. Ouais. Mais ils ne restent ouverts que par défaut. Ils restent ouverts qu'un nombre de rounds égal à votre weird. Donc quelques secondes en fait. Hein. Ah ouais. Enfin, pour vous, vous avez tous 3 de weird ou 3 ou 2, entre 6 et 9 ouais, secondes. Ouais. Vous pouvez leur charmer instantanément à votre bon vouloir. Non, je préfère faire avec un humain un pacte pour qu'il puisse me voir si jamais j'en ai besoin, plutôt que de m'amuser à ouvrir des portes n'importe où. Là. Ouais. Un petit gruyère. Ok, alors, recontextualisation, nous sommes dans le laboratoire, dans l'espèce de lieu d'expérience... primaire, en gros. Jasper doit avoir assisté. Le masque n'a pas dû protéger ton... Alors, c'était un pouvoir stylé à démontrer, peut-être. J'ai dit Jasper. Sean, je pensais. Ah. Ouais, d'accord. Oui, c'est Sean. Jasper, c'est le chat. Je pense qu'il, malgré toute sa bonne volonté, là, il doit trembler comme une feuille, puisqu'il a dû surprendre quelques-uns des reflets trahissants de ce qui s'est passé dans cette pièce. Surtout qu'il les connaissait, ses gardes. Donc là, il est aux abois. Ouais, mais je vais essayer de le calmer, essayer de le refocaliser sur sa mission, c'est-à-dire me faire sortir de la vivante. Quelle était... Ok, mais... Nous Oui, oui. Salaud. Il y a un petit « nous ». Non, j'essaye de le rassurer. Ces formes horribles. Des fantômes, on aurait dit. Oui, voilà, ce sont peut-être des fantômes. Comment ça, oui, voilà. Mais dans quoi vous pensez, dans quoi tu pensais que tu travaillais? T'as pas l'impression que tous ces gens traficotent avec des pouvoirs qu'ils ne comprennent pas? Allez, concentre-toi, on va sortir d'ici très vite et ne plus jamais revenir. Tu as une voiture, Sean? Oui, sur le parking de la prison. Ok. Ouais, je note, je pose pas la question. Si TQA lui pose la question, vas-y, hein, la prise. Ah oui, le centre de détention, on est juste en dessous. Ok. Il y a une espèce de blanc, effectivement. Ah bah ouais, clairement. Totalement. Enfin, on est au rez-de-chaussée sur. Mais pour. Je ne sais pas ce que vous savez de vous-même. Comment vous Sean, on va prendre ta voiture, on va aller chez toi et on va tous s'expliquer. Mais, je pensais que tu avais dit que les trois là, enfin les deux. Et ton chat, je suis un peu allergique au poil. J'arrête les gars, il n'est pas du tout en état de faire des blagues. Ouais. Il dit très très très bien. Mais je pense que l'alarme qu'on entend, c'est pas celle que du centre, on entend aussi celle de la prison au-dessus. Il faudrait qu'on réussisse à sortir. Enfin, je pourrais jamais vous faire passer comme ça là. On va pas rester terrible. Emmène nos vestiaires, qu'on trouve des vêtements et qu'on sorte incognito. Bonne idée. Et du coup, il file dans le couloir de verre. Bien joué, t'es quoi? Du coup, bah, il vous emmène jusqu'à devant une porte, il attend Alice en disant « Pardon Alice, c'est encore toi qui a ma carte. » Oui, bah, je le suis et je bip, hein. Mais je lui, donne pas, je lui rends pas sa carte, par contre. Et du coup, là, ça vous donne l'occasion un peu, en gros, de prendre la mesure du centre, qui est en fait extrêmement restreint, quoi. Il y a cette salle de test, vos cellules à vous, qui sont juste un niveau en dessous, et vous commencez à passer sur des zones où il n'y a pas les espèces de modules intérieurs là, dans lesquels vous passiez. Et vous voyez qu'en fait, tous ces modules ont été apposés à l'intérieur de couloirs d'une ancienne prison, en tout cas dans le niveau dans lequel vous êtes. Là, vous êtes passé par exemple par un couloir où il y avait encore des vieilles cellules désaffectées. Vous voyez un peu à l'Alcatraz avec les barreaux qui se ferment. Il y a encore des prisons aux États-Unis comme ça d'ailleurs. Vous voyez avec un couloir avec tout un tas de portes solidaires les unes des autres. Mmh. Ouais. Bref. On est en France aussi. Ouais. Ouais, j'étais en prison. Bref. Et du coup, voilà, je vous amène jusqu'au vestiaire qui est aussi trahisse du peu de gens. C'est-à-dire qu'il y a total, il doit y avoir une vingtaine de casiers max, quoi. Et puis voilà, du coup, j'ai cliqué que de mon cadenas. Va falloir casser les autres. Je sais pas trop ce qu'ils ont laissé les uns les autres. Ah bah de toute façon, moi je pense pas que j'ai attendu d'accord, sa proposition de casser les autres. Hein. Oui. Le premier vestiaire, j'essaie de le forcer, quoi. Ok, bon, on fait pas de jet sur des petits cadenas de merde, de hein. Toute façon vous avez quelques secondes devant vous, il n'y a pas l'air d'avoir de menace immédiate, il y a l'air d'avoir surtout un bordel maintenant que vous êtes un peu sorti. Vous entendez un fond, donc c'est le niveau dans lequel vous êtes est une ancienne prison, mais il y a l'air d'avoir encore des détenus, ou alors ce sont leurs âmes qui hurlent au loin, parce qu'on entend là, ouais, des cris humains, pas de panique, mais plutôt de... en réponse d'une situation d'excitation générale dans un centre de détention, quoi. Les cris sont assez lointains et résonnent par les fenêtres où vous entendez, ouais, des cris et des bruits, peut-être aussi les fameuses gamelles contre les barreaux ou de voilà. Bah, moi je fais le guet à la porte, du coup je me changerai après, quoi. On va faire un tour chacun, histoire qu'on se fasse pas avoir dans le dos bêtement. Ok. Du coup, tu fais le guet à la sortie de l'espèce de complexe. À la porte du vestiaire, vraiment. Plutôt à la porte du vestiaire, ok. Ouais, ouais. Bah, y a pas amis qui vivent, hein, dans ce quartier-là, quoi. D'accord. A priori, pour l'instant. Tekoa, tu as fait sauter un ou deux verrous. Bon, c'est des casiers, comme des casiers de collégiens, hein, enfin, ou de sport. Ou... Mm. Ouais, bah ouais. C'est pas fait pour y cacher des choses. Donc effectivement, il y a quelques vestes, il va y avoir des uniformes de toubib ou de scientifiques qui attendent d'être enfilés pour les gens qui prendraient leur service. Par contre, effectivement, tu dois avoir ceux des gardes où il y a leurs habits en civil. Et puis, tu dois aussi tomber sur quelques trucs qui doivent aussi un peu te donner l'eau à la bouche, dans le sens où des friandises, des trucs humains, des trucs que tu n'as pas mangé depuis... perpète ou un petit si je trouve genre une soda ou tu vois, ouais, si je trouve je sais pas, genre un sneakers ou un truc comme ça, voilà, c'est ça. Je pense que ouais, je le gobe, et avant même de passer des fringues, quoi. Ok. Et ayant ressenti comme ça un désir de manger ce truc là à tout prix, ou le plaisir que ça m'a procuré, si j'en trouve un autre, je le tends à Alice qui est juste à côté de moi. Ah, avec plaisir. Instant Kit Kat. La petite pause. Ok. Et du coup, voilà, qu'est-ce que vous priorisez comme déguisement? Oh bah moi. Des vêtements civils, hein, un pantalon, des chaussures, je sais pas, une chemise ou une veste, ouais, plus ou moins de ma taille, quoi. Si c'est trop grand ou trop petit, je vais. Ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, il y a trois modèles, quoi. Il y a le modèle civil, le modèle garde et le modèle scientifique, quoi. Ah. Bah, je pense que le modèle garde est peut-être plus pratique. Ok, pour toi, Alice, ouais. Les autres aussi, comment ça se passe? Bah, moi, elle plutôt civile. Moi, je vais même faire des coupes dedans, histoire que ce soit un peu à ma taille, quoi. Oui, c'est vrai qu'une enfant garde, ça marche jamais, quoi. La petite... J'oublie, faut pas que j'oublie. Je garde l'espèce de veste tactique, quand même. Faut pas déconner. Bah, de toute façon, quelles que soient les fringues qu'elle va avoir, ça va être méga louche, on est bien d'accord. Bah, mais non, mais du coup, j'ai un plan. J'ai un plan pour si on doit sortir, Tekoa me portera comme si j'étais blessé ou malade ou je sais pas quoi. Et je garderai mes scalpels dans les manches et le premier qui s'approche, il va mourir. Non, mais arrête de vouloir suriner tout ce qui passe, quel enfer. Bon, du coup, Alice, du coup, disons qu'on se déguise en garde et. Et. Comme si on escortait la petite, quoi. Et Sean surtout. Et Sean aussi. Non, Sean, lui, a des habitudes, a priori, d'aller et venir dans cet endroit. Hein. Ouais, mais on continue de le suivre, de toute façon. Ok. Alors, pour rajouter un peu de lore, vous avez dû quand même surprendre à différents endroits en bas, dans le laboratoire, enfin, et là où vous êtes encore, peut-être sur les tenues des scientifiques, il y a quand même le nom d'une espèce de compagnie où il y a un espèce de logo qui est celui d'un groupe qui s'appellerait Baxley Genetics, B-A-X-L-E-Y, bon, vous aurez l'occasion de le revoir. Et par contre, sur celui des gardes, c'est pareil, c'est aussi Baxley, mais c'est Civic Corps, donc un autre, une déclinaison du groupe, a priori. Ok, des milices privées. Et donc vous êtes à comme mince. J'ai des bugs lexicaux. Apprêté. Alors, Sean s'est retourné quand tu t'es changé, Alice. Hein. C'était un vrai gentleman. Bien. Lui-même aurait peut-être besoin. Il était quoi ? Il s'est retourné aussi ? Ah, ça, je sais pas. C'est qu'un oiseau. Je t'ai tendu un sneakers. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Non, non. Ton sneakers ou de... un sneakers hein ? Non, non, mais c'est vrai que j'ai peut-être pas fait attention et au moment où j'ai tendu le sneakers, bon bah. Elle était complètement dévêtue. Ça m'a pas plus choqué que ça. Ouais, de toute façon, t'es plus comment ? T'es plus d'Inde ou. Ah ! Quel enfer. Bon, avant que ça parte en zone. Mais non, et de toute façon, je n'aime que ma femme depuis tout ce temps et je ne cesse d'y penser. Oh, c'est beau. C'est okay. Beau. Excusez-nous. Alors. Ok. Donc, votre petite troupe. Donc, lui, je ne sais pas s'il a eu la. Non, il a gardé ses vêtements. Oh, il a repassé ses vêtements civils. Et du coup, et nous avons Alice et Teko en garde de chez Baxley. Ouais. Alors, vraie question, ouais. Avant de partir, est-ce qu'il y avait des portables ou quelques pièces de menu monnaie dans les différents trucs ? Très bonne question. Je pense effectivement qu'il y avait les portables qu'ils n'ont pas le droit d'avoir sur eux pour ce qui est des gardes. On va la jouer pour de vrai, donc éteint, hein, ou ouais. En tout cas avec le code pas inscrit. Effectivement, surtout moi, un portefeuille avec quelques dollars. Tu as bien raison d'y penser, Axel. Tu dois te souvenir du début de la campagne précédente. Ouais, je te confie. Si on fait le temps d'aller niquer un Emmaüs, parce que je suis pas sûr qu'il y ait un éveillé des Je suis pas sûr qu'il y ait des Emmaüs aux États-Unis en plus. Donc tu es allé jusqu'à vider tout les... Ouais, collecter vraiment tous les dollars présents. T'as pris le temps de faire ça? Ah ouais. C'est juste dans un portefeuille. Non, non, je pense que j'ai tout pris. J'ai fait les poches, j'ai tout fait. Ok. Même un briquet, un truc, enfin voilà, ce qu'il y a besoin. Jette-moi un D10. Ok. Pour 100 dollars. Donc ça peut aller du kit au double. Ah ouais, bref, on avait compris. Ouais. 200$. Bon, ça va. Pas mal. Je les donne aux adultes, hein, c'est eux qui doivent... Ça m'a c'est ça. Mais 200$, c'est énorme. Bah, pas en petite monnaie, ouais. Donc ouais. Collectée dans tous les portefeuilles présents, à savoir... du coup, il n'y avait pas grand monde, il y avait les... a priori, il y a un garde que vous n'avez pas croisé. En tout cas, là, il y a l'air d'avoir... Faut que je remaille, je suis con. Bref... en tout cas, tu as fouillé sur 4 portefeuilles, tu collectes $400 en différentes tailles de billets. Quoi. Ouais. J'ai dit combien ? 200. Ouais. J'ai rien dit, je me suis dit, bon, 400. 200, 400. Ouais. Ouais. Et je les donne aux adultes, hein, c'est eux qui se débrouillent avec la thune. Ah, les adultes. Ok, très bien. Parce que pour le coup, moi, ça me parle pas trop, en vrai, je pense. Dites-moi maintenant comment ça se passe. Du coup, je dis à Tekoa, porte-moi. Comme si j'étais blessé ou malade ou je sais pas. Bah, je m'exécute, hein. Je prends la petite à bras. Ok. Et Sean sort nous d'ici tout de suite. Allez, on file. Ah, oh, mais. Bon, on y va, mais les matons ont l'air bien occupés et sur les dents. Je sais pas ce qui se passe dans la prison. J'espère que c'est pas nos trucs qui se sont échappés de notre labo. Bon, mais raison de plus pour se faire discret. Ah, mais ils vous ont jamais vu vos tronches. Ça passera jamais. Mais si. Ah, bah, tout le monde se connaît, c'est ça que je veux dire. Allons-y. Allons voir déjà la situation là-haut. Si on a la possibilité de croiser personne, tant mieux pour nous. Sinon, on improvisera. Ok. Du coup, il ouvre la porte. Enfin, ah, pardon, Alice, tu peux. Je déverrouille la porte. Je déboucle. Et derrière, vous avez accès à vraiment une coursive de prison beaucoup plus classique. Vous sortez un peu de. Les dernières traces du stencil un peu high-tech disparaissent. Là, on est vraiment dans un centre pénitentiaire. Vous en parcourez le rez-de-chaussée. Vous entendez, surtout vous êtes pris aux oreilles, une alarme qui sonne toujours, mais les cris des détenus. Il y a a priori des cellules à droite et à gauche, un espace plus dégagé hein, au rez-de-chaussée que dans les étages. Mais dans les étages, il y a l'air d'avoir deux niveaux. Attendez, je crois que j'ai pas un visuel de l'intérieur, mais j'avais un visuel de type de prison. Bon, ça vous dévoile la zone alentour. On s'en fout. Sans vous y aller. Waouh. C'est cosy. C'est beau, putain. C'est sympa leur prison. Si tu veux rester, pas de soucis. Hein. Mais nous, on y va. Non, c'est pas. Donc, c'est sympa, une prison dans la même phrase. Donc. Au rez-de-chaussée de l'une de ses ailes, quoi. Elle est quand même classieuse, hein. Franchement. En plus, il y a des oiseaux pour Burnabec. Touriste prison simulator, si vous voulez. Lorsque vous vous engagez au rez-de-chaussée. Il y a, je pense, votre progression est saluée par des tambourinements et des cris de différents tolards qui vous guettent par les interstices. Je balance des chais aux tolards. On voit des. On voit aussi des matons à cet étage. Non, a priori, vous voyez une espèce de d'îlot central hein, où il y a du mouvement, mais ça a l'air vraiment dans les étages que ça a l'air de barder. Il y a une vision, enfin il y a des coursives. Si vous voulez, vous pouvez voir jusqu'à la verrière du toit. Et puis sur les côtés, il y a des coursives qui desservent les cellules. Et puis vous voyez, voilà, qu'il y a des genre on jette du PQ à moitié coupé. Enfin, il y a une espèce de pluie de trucs comme si là, il y a une émeute. Enfin, ou plutôt une espèce de d'émulsion. Il n'y a pas l'air d'avoir de personnes échappées, mais il y a l'air d'avoir un déchaînement. De chaque groupe de tolards dans leurs cellules respectives, quoi, qui foutent un bordel pas possible. Et ça a l'air surtout à l'étage où, du coup, des gardes sont concentrés, quoi. Vous pouvez progresser, du coup, assez rapidement au rez-de-chaussée, mais vous allez devoir passer par l'îlot central, ou en tout cas à proximité immédiate. Et, Sean vous dit cette carte fonctionne plus, là, maintenant, il faut demander à sortir, quoi. Il faut. Eh ben, on leur explique explique-leur qu'il y a eu un accident en bas et que on a besoin de sortir de toute urgence. On a quelqu'un de blessé. Allez. La fusil va pas du tout s'échapper. C'est cool. Hop, on va remettre du lanciment. Je sais pas pourquoi. Du coup, il prend les devants. Vous l'assistez pas. Comment vous tenez, vous derrière lui, vous masquez vos visages. Vous êtes. Vous montrez que vous êtes, vous montrez. Ah bah, j'imagine qu'on a des casquettes. Moi, j'ai la visière de la casquette, ouais, vraiment, au ras des. Ouais, pareil, des sourcils, quoi. On a baissé la casquette. Peut-être un peu baissée. Moi, je fais mine de m'occuper de la petite que j'ai dans les bras. On va dire que vous avez une connaissance intuitive de la présence du masque, hein, sinon, ça n'a pas de sens. Je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est rigolo? Ou alors est-ce que vous l'êtes fait expliciter par Sean? Bah après, vu sa réaction en nous voyant, on imagine qu'il nous voit pas comme on est, quoi. Surtout Murnabek, parce que sinon c'est compliqué. Arrête commence pas. Pardon. C'est méchant de rebaptiser la personne. Comme un bully du collège, là, Axel. Quel sale gosse, quoi. C'est du cyberbullying. Je ressemble pas du tout à une burne. On va pas se lancer dans ce débat, sinon c'est foutu et tu vas être renommé Burnabek à vie. Du coup, je fais le mort dans les bras de tes Vous présentez tous à cette kilo centrale ou est-ce que vous restez en retrait? C'est ma question. Est-ce que vous le laissez aller discuter? Non, je l'accompagne parce qu'il va chier dans la colle. Si jamais je l'accompagne pas, ça va être le drame. Ah ouais, non, je pense que moi, je reste juste derrière lui, quoi. En fait, je fais genre d'être ultra pressé, tu sais, derrière, je tapote du pied, je regarde ma montre que j'ai peut-être pas, etc., etc. Quoi. Okay, je fais genre. Il s'approche déjà, il frappe simplement à la vitre pour attirer l'attention de... Vous voyez qu'il y a, l'air d'avoir... Enfin, il n'y a pas l'air d'avoir, il y a trois gardes mais qui sont scotchés à des écrans de surveillance. Ils ont des consoles qui permettent d'ouvrir à peu près un peu tout, contrôler un peu tout dans la prison depuis ce poste. Par contre, derrière eux, il y a aussi un mec en costard... qui a l'air d'être le ponte de la prison. Eux aussi portent des emblèmes de Baxley Civic Corps, mais pas le même type d'uniforme que vous. Ils ont des trucs de maton beaucoup plus classiques. Et ils lèvent les yeux au niveau de... pour voir qui frappe et découvre Sean. Il y en a un qui actionne peut-être un espèce de petit micro comme qui permet de parler à l'extérieur et dit... pas maintenant, c'est la panique là. Attends 5 minutes. Et du coup, il interdit, il se retourne vers vous. Je vais faire un gémissement de douleur. Ah, très convaincant. Ok, en tout cas, tu attires l'attention d'une ouais. manière ou d'une autre. C'est ça. Comme si j'étais très okay, blessé. Je pense que c'est du coup, le mec en costard derrière les gardes quoi qui lève un peu se lève un peu sur la pointe des pieds pour regarder au-dessus de je ne sais qui enfin bref les yeux un peu écarquillés en voyant qu'il y a une enfant dans sa prison tu vois il se dirige vers la porte de l'îlot et il sort quoi voir et il ouvre la porte mais que fait cet enfant ici Monsieur docteur, non, je sais pas comment il a peut-être un terme Sean, il doit l'avoir, juste son nom de famille. Bon, Monsieur machin, mais qu'est-ce que vous branlez en bas Et là, il va sortir un autre nom. Ah, attention. Bah, le docteur Oblinski m'avait assuré que vous faisiez rien de salace. Hein. Qui est cet enfant? Qu'est-ce qu'elle fout dans ma prison? Ouais, je vois clairement que Sean bafouille, il va pas être capable de... Je vais faire un pas en avant quand même. Ouais, parce que tu ouais. Je vais faire un pas en avant, puis je vais dire... ouais, les mecs, Oblinski, il s'est bien foutu de notre gueule, ils font des trucs vraiment dégueulasses là en bas. Mais pour l'instant, on a trouvé cette fille, elle se plaint du ventre, elle souffre. On va l'emmener à l'hôpital. Au plus okay. vite. Allez, un petit manipulation persuasion. Est-ce que je peux l'aider en faisant du subterfuge, moi L'aider Bah ouais, en faisant genre je suis très malade et voilà. Ouais. Non, je sais pas. Si. Non, on fait une action combinée. Ouais. Mais pas avec le même jeu, moi je suis d'accord. Tu fais une manipulation subterfuge avant. Ok. Et puis tu rapportes des bonus éventuels au jet d'Alice. Un petit dé en plus. Un petit dé en plus. Okay. Par contre, attendez, là il faut que je me remette dans le jus parce que je me rends compte que je suis encore aux couleurs de Bloodlust et Brigandine. Parce que là, il me semble qu'il faut que j'oppose, par exemple. Ouais, t'opposes oui. leur. Oui, c'est vrai, pardon. Quelque chose. Ouais. Alors. C'est astuce ou une connerie comme ça, ça va être. Est-ce que ce serait à convaincre, baratiner? C'est un baratiner. Ouais. C'est contre le calme de et potentiellement son empathie ou son subterfuge à lui-même. Bon, là, c'est un PNJ, donc ça va juste être son calme. Tu vas te virer 2D, du coup. Donc, moi, je fais manipulation subterfuge, c'est ça? Ouais. Ok. Manipulation subterfuge, moins bah, social, moins lui. Bah, moins 1 en fait, parce qu'il n'y a pas le bonus de. Ok. En tant que Ferrest, je vais craquer 2 points de glamour pour me rajouter 2 dés de social. Putain. Pour ce jet. Ok, ok. Donc je vais pas hésiter à, ouais, à infuser du glamour pour me la péter à mort en fait. Alors que vous êtes dans cette interaction, il y a quelque chose qui se passe encore à l'étage, genre peut-être ou même l'alarme incendie, pas l'incendie, mais les. Le truc il lâche un peu de l'eau là en cas d'incendie puisque il a dû foutre le feu à son matelas et du coup il y a un des gardes qui se précipite porter main forte. Enfin c'est un peu le. Il a autre chose à penser donc en plus. Voilà. C'est un peu la panique. Ouf. C'est beau. Ultra propre. Il dit bon. du coup il ne tique pas sur le fait qu'il connaît pas ta tronche. Alice, et que tu es une jeune femme de 22 ans dans une tenue de... Ouais, de garde probablement beaucoup trop grande pour moi. Un peu, ouais. Enfin, là-dessus, voilà. Il dit, bon, le docteur Blisky aura des comptes à me rendre, hein. Vous lui direz une fois que j'en aurai fini avec cette chienlit, là. Et puis, voilà, il dit à Roger. Roger, ouvre-leur. Ils sont tous des noms français. Roger. Et que ça me retombe pas dessus, cette histoire avec cette petite. Hein, au pire, elle a jamais foutu les pieds ici. Ah, ne t'inquiète pas, on s'en occupe, allez, ouvre. Oh, il tique un peu sur le fait que tu l'aies tutoyé, mais... Il ouvre. Il fait ouvrir. Et du coup, oui, vous êtes sur cette allée éclairée là, de la prison, vous vous rendez vers le parking. Un autre garde vous voit arriver... Et demande rapido ce qui se passe à l'intérieur pour le décorum. Vous l'envoyez péter, j'imagine, et vous arrivez vers la voiture de Sean. Quel type de voiture peut-il avoir, ce Sean? Ça serait rigolo qu'il ait un truc un pick-up. Original. Ah non, je pense que non, il a pas du tout un pick-up. Un coupé cabriolet, sport. Non plus. Ouais, ah, ouf. Ah, attends, parce que vous allez lui carotte, hein, c'est ça. Non, je pensais un truc ou de geek, tu vois, la fourgonnette aux couleurs de Star Wars. Celle de Scooby-Doo. Ah oui, oh, putain, il a la Mystery Machine. La Mystery Machine. Soit ça, soit une toute petite Smart. Il faudrait s'entasser. Oh non, la Mystery Machine, c'est plus rigolo. Non, il a une fourgonnette avec une magnifique peinture de l'Empire Contre-Attaque. Oh la vache! Ça vaut rien. Bon, c'est dégueulasse, mais ça suffira. Non, bah d'accord. Et il tremble, il souffle un coup. Tu vois qu'il lutte quand même, il a des petits moments de retour à la réalité. Enfin, pas. Tu sens quoi, ton ensorcellement quand même. Vacille. Vacille, ouais, dans le sens où là, il a quand même fait pas mal de choses. Et il doit avoir des petites pensées sur il va perdre son boulot, enfin voilà, des trucs qui ressurgissent. Et ouais, je l'encourage sur la fin, je lui dis allez, on va tous chez toi faire un. Comment se poser un petit peu, réfléchir, pense à ton. À ton beau fauteuil, pense à tout ce que tu vas retrouver là-bas, au calme, etc. etc. Moi je lui pose, sûrement derrière, je pose une main amicale sur son épaule en disant. Merci Sean de nous avoir sortis de là. De rien, j'imagine que ça m'a. J'ai jamais été non plus très très très au clair avec ce qu'on vous faisait subir. Ça tombe bien. Montez. Merci Tekoa. Hein. Du coup, c'est quoi l'ambiance dans la voiture alors que. Donc il fait nuit, hein. Enfin peut-être c'est le petit matin, le soleil se lève au loin. C'est vrai que c'est la première fois que vous respirez l'air libre depuis longtemps. Et puis, je pense en tout cas, Tekoa, ça c'est sûr, tu reconnais la région dans laquelle tu as grandi. Au moins, vous n'êtes pas à des centaines de kilomètres, tu reconnais les montagnes alentours. Peut-être pas. Si, tu dois reconnaître certaines par leur forme, quoi. Ah bah ouais. Et puis les. Ouais, clairement, vous êtes pas à Seattle. Mais vous êtes pas si loin que ça, quoi. Ouais, t'allais dire un truc. J'allais dire par contre, est-ce que je connais, enfin, au niveau de la diversité des véhicules qu'on va croiser sur la route, peut-être des nouvelles infrastructures ou quoi qui... Ah, c'est vrai que pour l'instant, vous n'avez pas eu de choc. Si. Ah si, vous avez tous disparu il y a plus de 10 ans. Ah non, Elaine, tu as l'impression d'être disparu depuis longtemps, mais pour toi... Ouais. Mais du coup, pour savoir où on en est, moi, j'ai allumé un téléphone pour avoir la date et l'heure. Ok. Eh ben, du coup, nous sommes le 12 juillet 2020. 2020 ouais. 2020, ouais. Ouais, du coup, là, c'est le moment où oui, vous prenez une claque. Question dans le, au calme dans la bagnole. Alors qu'il s'éloigne. C'est lui qui conduit ? Bah oui, c'est lui qui sait où il habite. C'est vrai. Ça fait sens. Bah, je vous laisse du coup avoir une espèce de petite discussion topo. C'est ouais. La première que vous avez en fait. Ah, pourquoi vous êtes. Du coup, moi, ça doit pas faire. Bah, en fait, si, moi, je suis choqué à l'inverse en fait. En mode. Mais j'ai eu l'impression d'y passer 13 ans, donc j'ai mûri, j'ai grandi, j'ai un corps d'enfant. Chouette, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et mon dernier souvenir de ma vraie vie, c'était il y a 20 ans. 20 ans ? 20 ans. C'est pas possible. Moi, c'était il y a 10 ans. Moi, ça doit remonter à... j'en sais rien, quelques mois. Je pense. Je sais pas, quelques semaines. MJ. Ah, carrément ? Bah, c'est un peu toi qui vois. Selon mois. Ce que tu préfères, ça peut être un an, ça peut être quelques mois. Ouais, moins d'un an, je pense. Peut-être moins d'un an. 6 mois, allez. Bah, moi, c'était le début d'année. Pendant le début du. On est dans quel style de réalité ? On est en mode Covid, etc. ou pas ? Bah, bonne question, c'est à vous. Est-ce que vous voulez qu'on. Pas nécessairement, moi, c'est pour ça que non, je pose la question. Pas forcément, non. Non, ouais. Si on pouvait sortir comme ça. Ouais. Non, très bien. Donc du coup, je me rappelle avoir fêté le début c'est de pas encore la post-apocalypse. Ouais, c'est ça. Je me rappelle avoir fêté le début d'année, mais vous, ça fait 20 ans. Mais comment c'est 20 possible ans. Moi, j'ai... 20 après... ans, on m'a volé ma vie. Mais où est-ce que vous étiez? Vous avez passé combien de temps dans la haie? Parce que 6 mois, j'y ai passé. J'ai eu l'impression d'y passer plus de 10 ans. En 20 ans, tu y en as passé. Je sais pas, je me souviens de rien, c'est comme si c'était un rêve, un cauchemar plutôt. C'est peut-être l'occasion, là, de me faire un petit jet chacun alors que vous essayez de vous rattacher un peu à vos souvenirs. Un petit jet de quoi ? De résolution. Alors c'est bizarre parce que ça fait. Mais moi pour moi c'est un peu ce qui fait le plus sens, plus calme. Non, résolution plus weird. Essayez de retirer une image de votre durance, de votre passé quoi. Passé dans la, en Arcadie. Ok. C'est-à-dire qu'alors que là t'es quoi dit, moi je me souviens de rien. Je me souviens de rien du tout. Bon, bah Alice, non, c'est le flou. Hein. Ouais. Voilà, attends. Oh. Ouais, je crois que t'as cliqué sur plein de trucs. Là. J'avais oublié de retirer la manipulation, autant pour moi. Je relance. Ça explose. Bon, c'est le même résultat. Ok. Et t'es quoi, t'as également réussi ? De succès. Donc la forme que ça prend, ouais, c'est alors que tu dis tu me souviens de rien et tu sais pas, tu dois te prendre la tête entre les mains et ouais, y a quand même un flash quoi. Tu te vois parcourir du coup des terrains totalement fantastiques, mais un peu à l'image de ton ancien métier, comme si tu avais poursuivi cette activité, mais dans des paysages totalement hallucinants. Tu te croirais quasiment sur une autre planète, quoi, à parcourir des terres gigantesques et à veiller un peu en tant que gardien à l'équilibre des forces. Tu te vois peut-être côtoyer des animaux tous plus étranges les uns que les autres. T'as pas d'image de ton maître, par contre, mais t'as cette impression de comment dire, d'impératif de tourner, de en périphérie de cette zone, quoi, en permanence, et de veiller. T'as ce souvenir-là, ouais, bizarre. Ce qui va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais. Hélène, quant à toi, ah, 3 succès, t'as peut-être quand même l'image d'un un rire peut-être plus masculin, mais sadique, de ton maître, lorsque il... L'un de ses plus grands plaisirs, c'était de se faire sous-estimer lui et les siens, et ses gardes du corps ou ses soldats, quoi. Il avait un entourage qui ne prêtait pas de mine un peu à ton image. D'accord. Et c'est un souvenir répété que t'as de fois où il dévoile finalement, où il déchaîne plutôt la violence de ses sbires dont tu faisais partie, quoi. Mmh. Et des scènes de massacre répétées dans des zones, d'autres zones de la haie, dans d'autres zones d'Arcadie, ou même voir peut-être des espaces humains. D'accord. T'as des souvenirs assez troublants de visites. Ouais, auprès d'autres groupes plus, je sais pas, peut-être un souvenir dans un espèce de bar de bikers, je sais pas pourquoi t'as ce flash-là à ce moment-là. D'accord. Où on vous toise et ça finit en carnage absolu. Mais peut-être pas tant d'autres sbires avec le maître et toi, hein, juste toi et deux ou trois autres enfants guerriers, tu vois, ouais, qui finissent par faire un bain de sang sous les rires de cette personne qui n'a pas encore de visage pour toi. Mmh. Voilà. Au fond du fourgon. Bon, par contre, Alice, c'est le flou. Ouais, c'est le flou total, tout ce mélange. Je mets ça sur le compte de la drogue qu'on nous a enfilée depuis quelques semaines. La voiture poursuit sa route et pénètre du coup dans une petite ville américaine proche d'un lac. Il y fait assez frais et humide ce matin, même si on est en mois de juillet. Un peu à l'image du visuel là, que vous avez juste au-dessus. Le ciel est chargé de nuages, mais le paysage est plutôt beau et l'air est frais à respirer. Ça doit être assez plaisant quand même. Il y a de multiples apparitions du nom de la ville sur des panneaux. Peut-être même à la sortie de la prison, quoi. Dans une bourgade qui s'appelle Monroe, M-O-N-R-O-E. Après, c'est vrai que Alice et Hélène ont quitté la région tellement jeune. Ouais, moi, ça je me pense pas. Qu'on n'a pas de représentation à cet âge-là. Par contre, Tekoa. Ouais, je pense que je connais peut-être les quartiers de la ville, mais ce qu'il y a autour. Monroe, c'est une petite ville qui est au nord-est de Seattle, à une quarantaine de kilomètres. Bon, ça doit me parler du coup. Ouais, je pense que ça sort d'outre-tombe de ta mémoire là, oui. Mais oui, tu y es déjà passé ou t'avais peut-être un. Je sais pas, oui. Voilà. Tu connais pas particulièrement, c'est une zone plutôt. Ouais, mais je sais que dans. Parce que c'est plus ou moins dans le coin, quoi. Je connais quand même les villes qui y a un petit peu aux alentours, quoi. Bon, vous arrivez chez Sean, qui a une espèce de pavillon assez reculé, c'est une chance. Qui est pas en centre-ville. Bon, c'est une petite ville, hein, qui a quelques milliers d'habitants. C'est de passer par la rue où il y a tous les commerces 2020. Hein, donc voilà, on peut imaginer les présences de toutes les marques qu'on connaît. Moi, je continue d'halluciner. Hein, sur peut-être le modernisme des devantures. Rien que quand Alice a allumé le téléphone, qui doit être un smartphone, j'avais vu un écran si grand. Je débarque complètement. Je reste sans voix, quoi. Ok. Du coup, je dois voir sa tronche parce que j'imagine que nous tous les deux on est derrière avec tandis que Alice et Sean sont devant. Ouais, ou comme vous voulez, sur la répartition. Vous êtes avec Jasper derrière. Ah. Qui glousse. On comprend, nous, quand il parle ou pas? Oh bah, oui, complètement. D'accord, okay. Créature de la haie. Oh, moi, je demande. C'était peut-être un truc un peu particulier, mais... Ah oui, c'est particulier. Oui, mais encore plus. Ben, bref. Mais ça va pas, t'es quoi? Tu fais une sale tronche. Tout ce que j'ai manqué, ils m'ont volé ma vie. Il s'est passé tellement de temps. Il faut leur faire payer. Oui. À qui? Ah bah, nous trouverons. Moi, je dois frissonner aussi. C'est, parce inhumain. Que, j'ai... C'est inhumain de faire ça. Oui, mais justement, ils ne sont pas humains. Je dois me rappeler de ce que j'ai fait aussi, moi. Je dois pas être bien. Pas au top. Je pousse un souffle de désespoir. Je suis vraiment abattu, quoi. Et tu sais où on est? Est-ce que Seattle est loin ou pas? On est au-dessus de... Au-dessus de Seattle, quelques dizaines de kilomètres. Parce que l'espace de pas longtemps pour que vous ayez, puis que nous tous, on ait un peu une représentation de la zone aussi. Parce que c'est quand même particulier, vous avez quand même grandi. Hein. Donc Seattle est au fond, là, vous voyez, de cette espèce de baie, mm-hmm. et qui est une baie océanique, quoi. Il n'y a pas de delta de fleuve. D'accord. La frontière avec le Canada est vraiment délimitée par la limite de l'image nord. D'accord. Et vous voyez Monroe là. Ah oui, bien vu. Et là, par contre, la ville de Seattle englobe. Attendez. Bon, je vous fais un simple dessin, mais englobe quasiment. Enfin, l'agglomération s'étend. Pardon, je fais n'importe quoi, c'est beaucoup trop grand. Là. Non, mais c'est déjà balèze, quoi. Monroe, c'est à peu près ici, tout ça. Voilà. Tout le lac intérieur là. Ah oui, c'est grand. Fait partie de la ville, il y a des ponts, des machins, des trucs. Ok. Bref. Pour que vous ayez une représentation imaginaire. Oui, voilà, j'avais une autre visuelle aussi de. Wow. De la ville, avec le mont Rainier derrière. Donc là, par contre, l'orientation est inversée. On fait face au sud. Là. C'est-à-dire que l'océan se trouve à notre droite. D'accord. Bref, mais on se repérera petit à petit. Enfin, ce sont des paysages que vous connaissez et que vous avez. Qui vous sont connus. Bref. Vous êtes garé devant le pavillon de Sean, qui semble être une belle petite maisonnette. Tu t'es pas inquiété de savoir s'il vivait seul, hein, Alice mais... J'ai supposé. Vu la gueule de... si c'est pas le cas, on improvisera de toute façon. Vu la gueule de son fourgon avec Star Wars, il y a des chances quand même. Qu'est-ce que bah il voilà il sort, vous invite à rentrer chez lui quoi. Et il a des regards de plus en plus récurrents vers Alice, un peu interrogateurs. Il se demande ce à quoi va ressembler la suite. Il a pas du tout des idées bizarres. Il se demande. Ce que vous allez foutre chez lui à 3, du coup. C'était pas ça qu'il imaginait, c'est-à-dire plus il se rapproche de chez lui, plus il se rend compte que ça va pas être la détente dans le fauteuil, vu qu'il y a vous êtes 3, quoi. Ouais, mais bah, en même temps, ouais, un plan, ça change parfois. Mais bon, il n'en est pas moins que, à la fois sous le coup de ton ensorcellement, et puis aussi parce qu'il avait pas l'air très fier de son métier. Mais physiquement, on est comment? On est fatigué? On n'est pas fatigué? On est... Je pense que vous avez vraiment pris un shoot de glamour. Ouais, donc ça va. Quoi. Du truc bizarre, là, et que du coup, vous êtes plutôt plein d'énergie, là, pour l'instant. Ok. Donc, bah, déjà, il est 5h30 du mat, le soleil continue à se lever. Ce qui va falloir, c'est qu'on. Bah, peut-être déjà qu'on trouve de vrais habits. Oui. Ok. Donc ça se passe chez lui, ça? Vous prenez un temps quand même chez lui ou vous êtes déjà... Bah je pense... Enfin, moi j'étais parti pour l'idée d'aller se poser chez lui pour réfléchir à ce qu'on fait, quoi. Mm. Ok. Ouais, carrément. Donc effectivement, c'est un homme bien... Comment dire? Un peu tatillon, là, son intérieur est sur deux niveaux un peu à l'américaine. Un premier niveau, il y a son garage et puis au-dessus, bref, les pièces à vivre... Tout est rangé parfaitement. Il a des collections de geeks, de trucs un peu nazes en plastoc, mais tout ça en qualité pristine, en boîte et tout ça. Et vous voyez un poste de streaming aussi, ou de jeux vidéo, dans un coin. Ouais, c'est un trentenaire de 2020, quoi, qui est un Tecos, qui doit avoir un bon salaire. Donc voilà, Mais il a l'air de vivre seul, il a mentionné personne. Il s'affaire dans sa cuisine, là, à vous sortir de quoi vous sustenter. Et vous êtes tous les trois un peu dans son salon. Vous pouvez discuter de ce que vous voulez. Bon, il va falloir qu'on... On va aller à Seattle pour... faut que moi je retrouve mes parents, peut-être. Il faut qu'on rentre chez nous. Tout à fait, je suis d'accord. Ma femme qui doit me croire mort, mon fils qui doit être si vieux maintenant. Ouais, alors comment ouais, vas-y, je vous laisse parler un peu. Enfin, moi je sais pas où vous habitez, mais si vous pouvez m'emmener à Seattle, ce serait vraiment cool. On n'a aucune connaissance des fetch, on est d'accord, hein, nous, en tant que... c'est ok. Non, pour vous, ouais, surtout par exemple pour Tekoa, il pense, oui, effectivement, qu'avoir disparu et manqué à sa femme qui a dû élever son enfant tout seul pendant 20 ans, quoi. Oui. Alice, je sais pas, toi, ouais, quel membre de ta famille tu prends à ta famille? Bah, je pense à ma famille, oui, évidemment, comme les deux autres, j'ai hâte de les retrouver, mais... Je suis un peu inquiète quand même. Je serais pas contre que l'un de vous ramène aussi artificiellement le souvenir de William, hein, qui est quelque part par là. Vous avez vraiment connu un peu... c'est-à-dire qu'étrangement, là, cette route en bagnole, et trouver un nouveau refuge, c'est pas une situation qui vous est totalement inconnue. À trois, mais il manque quelqu'un. D'habitude, vous avez eu l'habitude de fuir, de monter le camp dans la haie, plein de reprises, poursuivies par tout un tas de choses différentes, mais il y avait quelqu'un en plus d'habitude, quoi. Mais c'est vrai que j'aimerais bien garder contact avec vous, si ça vous dérange pas, parce que je pense que pour se réhabituer à cette vie, ça va pas être évident. Hein. Dans tous les cas, il faut qu'à un moment on retrouve William et on a plus de chances de le retrouver si on reste ensemble et met tous nos efforts en commun. C'est vrai, c'est vrai. Ça se trouve, il était dans la quatrième cellule en bas, on l'a pas secouru. Le pauvre, on n'a même pas. Non, il a pas été pris avec nous. Sean, en bon automatisme, allume son ordi. Waouh, elle est trop bien ta... Elle est trop bien ta config. Moi je comprends. Tu vois ce truc là quoi, c'est un ordinateur. Oui. Ah, t'es disparu en 2000. Oui, non, mais je veux dire, il doit y avoir des néons partout. Oui, il a trois écrans, oui. Les écrans, ils doivent être si fins. Je comprends rien tout ça. Bon, remarque, t'étais sûrement pas très technophile en bon gardien. Non, en plus, ouais. En plus, ouais. Et tu joues à quoi en ce moment ? J'ai lui demandé de faire une recherche éventuellement. Ah, ok. Ouais. Je vais lui demander. Déjà sur les nouvelles news locales, tu vas y regarder. Ah ouais, sur les news locales. Ah, merde. Vas-y, hein, parle. Avec. Bah, l'idée c'était de savoir s'il y avait des news par rapport à comment une évasion à la prison ou un truc comme ça, quoi. Ok, bah d'accord, bah, c'est un peu ce qu'il avait en tête aussi. Donc, il t'invite à t'asseoir à côté de lui. Oui, ce que je fais. Ouais. Il se met à rechercher sur le site. Monroe News, Daily Monroe, j'en sais rien. Ou en tout cas avec le nom de la prison, c'est le Monroe Baxley Detention Center. Rien ne pop du tout sur les dernières heures. Où, a priori, il y a rien qu'à filtrer. Je sais pas si t'as d'autres choses que tu aimerais rechercher. Là comme ça, c'était ma plus grande priorité. Après, franchement, comme les deux autres, je vais voir si je pense que je vais essayer de voir si je peux retrouver ma famille au plus vite, quoi. Ok. Alors du coup, Sean va vous interroger un peu. Enfin, il dit. Ok. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, Alice? Ça, c'est bien Alice. C'est ça, ouais, c'est bien Alice. Ouais. Je vais essayer de retourner chez moi pour commencer. Je crois qu'on a tous très très envie de retrouver nos proches. Mais je comprends rien. Vous n'êtes pas des... Enfin, des... Vous avez des pouvoirs, un peu comme des super-héros, quand même. C'est un peu ça que vous êtes. Bah peut-être que tu pourrais nous expliquer ce que tu as entendu sur nous. Moi, j'ai signé je ne sais combien de contrats de non-divulgation de quoi que ce soit. Enfin, là, je pense que je vais perdre mon boulot. Après ce que tu as fait, Sean, tu crois vraiment que tu récupéreras ton boulot un jour? Bah non, c'est un peu là où je voulais dire. C'est très gentil ce que tu as fait, mais toutes ces clauses de confidentialité, tu peux passer outre maintenant. Et on a besoin de savoir. Par exemple, regarde, moi, ça fait 20 ans que j'ai disparu. Je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai besoin de comprendre. Ouais, et puis peut-être que tu pourrais te faire plein de pognon en divulguant tout ce que t'as vu. Pour le coup, si t'as plus de boulot. Ah, je pourrais pas plutôt être votre psychic techno... Bah si tu veux, hein. Tous les super-héros en ont. Mais on n'est pas des super-héros, hein. Moi je me suis enlevé, j'étais une petite fille de 7 ans, quoi. Donc rien de super-héroïque là. Enlevé, mais pas par nous. Enfin, pas par eux, par le docteur. Elle ferait pas ça, quand même. Je sais pas, mais... C'est quelqu'un de bien, vous savez, mais... Bon, moi j'ai aucune connaissance en bio-ingénierie ni en rien de ces spécialités réelles. J'étais là juste pour les machines à dialyse et... C'est quoi son nom, elle? Peut-être que ça me rappelle... Toblinski. Elle a un prénom aussi, c'est du coup Rachel Oblinski. Il est noté dans ma liste de personnes à tuer, voilà. Attends, mais je vais la... Fais-nous la apparaître. Ah, t'as un Death Note aussi. Ah, j'ai un Death Note, mec, parce que tous les gens qui m'ont fait chier, là... Ils vont manger cher. Pareil. Ouais, enfin, je vous marque le nom. Ok. Je vais me faire d'ailleurs dans ma bio et info, je vais mettre une liste de gens à tuer. Ah bah, qu'est-ce qu'il peut vous dire, lui? Il y travaille depuis quelques années quand même. Et vous n'êtes pas là depuis longtemps. Mais avant vous, il y a un an. Il y en avait d'autres avant nous? 4 autres. Ouais. Ils sont devenus quoi? Il sait pas. Enfin, tu vois qu'il est gêné, si, quand même. Je sais pas pour les 4. Il y en a un qui est mort lors des traitements. Et puis les autres ont été exfiltrés vers un autre centre. Mais il n'en sait pas. Ah, déjà, ça veut dire que notre cas n'est pas unique. Et... À 4 super-héros, quoi, il dit, lui. Ouais, je comprends bien. Et est-ce que tu peux rechercher l'adresse de quelqu'un sur ta machine? Oui. De qui est-ce que je dois... McAllister à Seattle. En prénom, ce sera soit Logan, soit Enora. Tu vois qu'il fait une petite recherche. Et tout de suite, associé à McAllister, du coup, il y a le nom d'Elaine qui pop, hein, même si ce sont des vieux articles datant d'il y a quelques mois. Mais en fait, tu as quelques... les news et les appels à recherche. Oh, avec la brique de lait. Suite à sa disparition. Avec la brique de lait ou pas? Avec la brique de lait, si tu veux la partager, je sais pas si elle est quelque part. Je sais pas, on va la faire, je sais rien. Mais donc ta disparition, ouais, qui date de plusieurs mois, mais beaucoup plus troublant, et c'est peut-être Alice qui va attirer ton attention, ou je sais pas où t'es quoi, ou Sean qui regarde dans les réponses Google, quoi. T'as quelques lignes plus bas l'annonce de tes retrouvailles. Mais comment c'est possible? Je Je me tourne presque comme... Mais j'étais là-bas, je vous jure. Hein. Je suis resté là-bas. Hein. Sean qui clique sur le lien, t'as effectivement une photo de la petite famille au complet, tout sourire, où tu vois quelque chose, quelqu'un qui te ressemble comme deux gouttes d'eau dans les bras de ta mère, avec un grand sourire. Et... Quoi, mais c'est toi ça? Bah bien sûr que oui, c'est moi. Rouquine là. Bah oui, c'est moi la petite rouquine. Ah bah t'as bien changé. Bah vous pouvez parler, tu peux parler toi avec ton bec horrible. Mais et... tape mon nom s'il te plaît Sean, je suis... Mais toi t'as pas de profil Facebook toi. Ah bah non, moi j'ai rien du tout. Il doit y avoir aussi des... Ouais, des articles. Il doit aussi y avoir un article sur ma disparition, quelque chose. Alors, oui peut-être, mais tu dois être moins... Enfin, une petite blanche qui disparaît ou un vieil indien. Ah ouais, non, mais si ça se trouve, on va rien trouver du tout, parce que moi, j'ai peut-être pas disparu. En tout cas, effectivement, lui, il cherche... Non, mais je voulais dire même dans les nouvelles, quand quelqu'un, un adulte, okay. peut disparaître, ouais. c'est plus rare, tu vois. D'avoir... Bah, c'est possible de chercher aussi... En tout cas, simplement, là, il tape ton nom, il n'y a rien qui pop... Attends, est-ce que ton fait, j'aurais pu faire un truc pas cool sous ton nom? Il tuait des gens, voilà. Il est en fuite. Non, il n'y a rien comme ça de... qui aurait valu un article, en tout cas. Il n'y a pas d'apparition de ton nom. Enfin, peut-être certains autres Indiens partagent ton nom dans les parages, mais ton nom de famille. Ouais, mais super compliqué ton nom de famille, en plus, t'es quoi? Ah ouais, putain, ça par contre, Sean, il se reprend 8 fois pour le taper. Bon, il nous faudra un visuel pour Sean, du coup, ça va devenir quelqu'un, je pense. Oui, je pense. je pense, effectivement. Puis je le scoute, de toute façon, je lui dis, cherche Alice Hall. Oh, mais Alice, je... T'es connue, Alice, hein. Je faisais sûrement pas trop connaître, mais bon, ok. Comment ça? Quoi? Il tape Alice Hall. Enfin, il tape directement. Il tape. Attends, c'est comment le nom de ta sœur? Elisabeth? Elisabeth, ouais. Ou Charlotte, ça dépend laquelle. Non, ta sœur jumelle. C'est Elisabeth, ouais. Mais Ellie, simplement, il tape directement Alice et Ellie en recherche Google, quoi. Non, je sens un truc de. Pourquoi tout le monde se marre? Je sens le truc de mort. Pardon. Pas de porc, mais en tout cas, ce sont deux égéries mode c'est bon, ça va. Instagram, en tout cas, c'est plus sauf qui semble avoir une grosse renommée. Quoi. Leurs visages sont connus et tu vois tout un tas de photos, mais là, t'en as énormément. A priori, Alice sert à la fois de designeuse et. Mais aussi parce qu'elle est belle, du coup, de... Enfin, tu sers de coup de modèle. Enfin, tu vois deux fois toi, ta sœur, à côté. Bah, je pense que je fais des grands yeux que... comment je... Ma couleur générale vire au bleu, pour le coup. Donc ça, c'était deux collègues qui en sont les témoins. Wow, ouais. Comment t'es trop bleu. C'est ça. Et je fais, mais comment... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah moi j'ai cru que c'était un de tes pouvoirs d'être à la fois là et ailleurs et... Mais non, tu t'as jamais vu ça, c'est pas toi? Si c'est moi, si. Donc tu vois qu'il y a vraiment pléthore d'images et que ouais, ça a l'air d'être des influenceuses un peu classe quoi, tu vois, mais connues quoi. Ok. Je rage un peu, je sais même pas c'est quoi Instagram. D'ailleurs, en vrai, je pense que souffler, je suis allé me mettre dans le canapé et je suis en train de pleurer. Il y a toutes les larmes de mon corps. Mon dieu, oui, c'est vrai que c'est. Je me suis quand même fait remplacer, mes parents ils sont contents, ils ont une autre fille, tu sais. Chouette! Oh, je vais la consoler. Hein. Je vois pas une petite fille, mais je vois qu'elle est triste. On va éclaircir tout ça, Elaine. Merci. On va retrouver tes parents. Merci, t'es quoi? On va retrouver ta famille aussi. Il faut faire en sorte de retrouver nos vies. Et Alice, elle est à l'écran, elle scrolle pour l'instant. Elle est en train de scroller. Ouais, Scrob, elle en croit pas ses yeux, effectivement. Ouais. Non, je pense qu'Alice, elle va se. Comment? Elle va s'isoler un petit peu. Elle va demander vite fait où se trouve la salle de bain, quoi. Ouais. Et elle va vérifier. Parce que du coup, là, ouais, elle voit sa sœur, elle se voit elle, elle sait plus trop. J'ai juste regardé dans un miroir, en fait. Qu'est-ce que je vois dans ce miroir? Ok. Ben, tu vois ta forme de changelin, désormais. Donc, ni l'une ni l'autre de ces deux personnes, quoi. D'ailleurs, pour la première fois. T'es peut-être même pas trop capable de différencier qui était qui, ça devait être extrêmement troublant sur ces photos de deux jumelles, quoi. Bah ouais. Donc oui, là pour vous tous, oui, ça doit être un moment assez sombre à vivre en vrai. Et bien sûr, Jasper apparaît dans un angle avec un sourire jusqu'aux deux oreilles. Sans rien dire, juste comme ça. D'accord. Le chat creepy. Ah, moi j'ai tellement peur d'aller me regarder dans un miroir. Je pense que rien que à la vue de mes jambes qui sont des espèces de serres là, je n'ose imaginer ce que je vais trouver face d'un miroir, quoi. Je pense que ça fait longtemps que t'es dans cette peau là. Vous avez pas de rejet vis-à-vis de ce que vous êtes devenu, hein, parce que ça fait quand même. Mais après, peut-être si là, au souvenir, enfin, si tu revoyais une représentation de toi aujourd'hui. Mais le miroir va refléter ta vraie nature pour toi, donc je pense que tu l'as accepté après. Je me substitue à toi, pardon. Ouais, non, mais peut-être que j'ai jamais eu l'occasion de me regarder. Regarder mon visage, quoi, tu vois. Ouais. Bah, t'attends que Alice sorte à chacun. J'attends vraiment un long laps de temps, peut-être que elles y vont avant moi, tu vois, mais moi j'attends le plus longtemps possible, quoi. Je pense que pour me détendre, en fait, je vais prendre un bout de papier et puis peut-être un crayon, et puis je vais me mettre à dessiner, en fait, justement, nous trois, ou même nous quatre avec William. Ok. Ah oui, c'est vrai que tu es une talentueuse peintre et dessinateur. Ouais. Donc du coup, je vais nous dessiner sous notre vraie forme, mais en version papier, quoi. Ok. Donc un peu de temps se passe à assimiler, à laisser. Ouais, encaisser. Surtout. Information. Et il y a simplement du coup, bah, Sean, à un moment que vous entendez vous appeler, je sais pas, vous êtes à différents endroits posés. Lui a fini par manger un bol de céréales. Il vous appelle à lui, quoi. Il est dans son salon. Il est à sa fenêtre, il a tiré le rideau et il dit je crois qu'on a un problème. Ah. Et alors que vous vous approchez de la fenêtre, vous voyez que déjà les fourgonnettes noires aux vitres teintées sont en train de se garer devant son pavillon. Et je crois qu'on est bien pour la première fois. T'as des couteaux? Je pense qu'il a des réplicas. Il a des armes aux airs. Ouais, oh, ou yes. Des d'Aragorn ou des trucs à la con comme ça. Mais qui coupe? Bah non, mais. Bah non. Il est pas premier temps. Non, bah je veux des couteaux, moi, du coup. Si je vais oui, là aussi. Sinon, il a des couteaux de cuisine. Si tu tapes assez fort, ça coupe, hein, mais bon, c'est quand même pas idéal. Quoi. Mais c'est si ça. Tu veux. Oui, c'est bien pour une intro, puis comme ça nous laissera, je pense, introduire William. Qui viendra nous sauver. Qui s'appellera à vous aussi, attendant que vous soyez sorti ou quelque chose comme ça. Oh le feu, j'ai envie de continuer. Oh là là, de ouf. Oh, c'est frustrant. Ouais, mais c'est un bon moment là, parce qu'après on repart. De combat de 2 heures. Non, ou plutôt en tout cas après le. De fuite. Enfin, je sais pas, bref, mais oui. C'est un bon moment, ça, voilà. À la fenêtre avec les fourgons carrés. Ouais. Ça me rappelle. C'était chez qui où on s'était retrouvé aussi avec. Oh, le GIGN, Saras. Le GIGN, ah, oui. Du coup. Mais vous aviez enlevé je sais plus qui aussi. Enfin, bref, ouais. Ouais. Oh bon. Non, il pensait qu'on avait enlevé la fille et la meuf de Kentaro, si j'ai pas de bêtises. C'est bref. Ça, ouais. Du personnage. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Soyons précis. Ouais. Ah, trop cool. Quel plaisir. Quel plaisir. Ouais, je Je suis content de Bah après oui, c'était là, c'était une comment? C'était une cinématique avec des QTE, hein, mais bon. Bah, c'est très bien. Bah non, il y a forcément des qui marchaient. Non mais c'est parce que vous avez réussi tous vos jets en fait que ça vous ouais, on a beaucoup réussi de jets, c'est vrai. Ouais. Moi, il faut vraiment que je reprenne un peu le goût du système, les automatismes, je le sens. Ah bah, c'est... Sur les oppositions surtout. C'est-à-dire que ouais, j'ai en tout cas les armes et les profils vraiment déterminés de ceux que vous pouvez croiser. Mais là, il n'y avait pas. C'était, voilà. Bon, à retenir, du coup, vous avez ce lieu hein, qui a potentiellement encore des secrets ou ce docteur dont vous avez le nom. Et puis, oui, enfin, il y a plein de choses à voir. Toutes vos familles à redécouvrir. Ouais, ouais. Ah, bah là, de toute façon, il y a du boulot. On va redécouvrir nos familles, tuer le docteur. Déjà, on vient de se rendre compte qu'on a été remplacé par quelque chose ou quelqu'un. Ouais, grave. Tuer Rachel Oblinski, pardon. Et pour Shum, vous êtes des super-héros. C'est pas mal, wow. Ouais. Ce qui fait qu'il nous met un peu sur un piédestal, donc c'est cool. Il faut qu'on retrouve William aussi. Ouais. Je sais pas s'il a quelque chose à voir avec votre libération. Je me suis dit en décrivant les espèces de trucs fantomatiques que ça aurait pu vous y faire penser à lui. Ouais, je sais pas. Je sais pas s'il a ce pouvoir. Non, ça me paraît trop. ça me semble un peu burné comme. Mais bon, après, je ne sais pas. Ouais, avoir. Ouais, s'il a des pouvoirs comme ça veut dire que je me suis totalement foiré sur ma perso. Hein. C'est ça. On s'est un peu fait escroquer, tu sais. C'est pas ce à quoi je pensais, mais vu que là, j'étais un peu en intro. Je verrai avec lui, mais peut-être avoir attiré jusqu'à cette porte son maître, tu vois, un truc. Bref, je sais pas. Je vous dis pas parce que comme ça me laissera. Oui, ça t'engage en rien, quoi. Ouais. C'est mieux. Ok. Eh ben, ouais, y a plus qu'à. Y a plus qu'à, comme disent. Y a qu'à Faucon. Ça vous a plu, oui. Ouais. Ouais, carrément. Bah, en tout cas, ouais, excellente session. Je suis content d'y retourner. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, je me suis dit ouais, que ça allait pas te plaire. Là. J'ai pas fait des Instagrammeuses complètement. J'ai pas fait des Kardashians. Ah non, mais je m'en fous. Hein. Sérieusement, si jamais je me rends compte que ma sœur et mon fetch sont devenus des influenceuses, je fais avec. Hein. Par contre, là. Je pense que mes parents sont un PLS, par contre. Mais... Ton visage va être un peu connu dans certains milieux, quoi. Ouais. Une petite starlette quoi. Bah c'est ça. Mais en sachant que du coup c'est la première fois que je vois mon visage que j'aurai à cet âge là quoi. De fait. Effectivement. Ok. Eh bien nous pouvons couper pour aujourd'hui. Ouais. Et bien, très bien. Je sais plus. Merci à tout le monde. Merci à Legan. Merci Lil Brandon. Bah ouais. Merci Maldragan aussi qui est passé. Je sais pas si t'es encore là. Et Parabellum qui était là au début. Ouais, on espère que ça vous a plu. Ouais. Et donc la prochaine fois, un joueur de plus et le groupe sera au complet. Et un merdier sans nom de drama au sein de toutes ces familles. Déjà rien que ça, je pense qu'avant... Très grave. En intégrer quelques traces que ce soit de... Du scénar. Ben même, je pense que je vais même volontairement le mettre en retrait parce qu'il y a largement de quoi faire déjà. Et la dernière fois, c'était un peu frustrant d'être pris... Par comment dire par le maelstrom et de pas pouvoir justement visiter un peu chacun. C'est clair. On n'a pas pu visiter la Haute-Savoie, c'était triste. Ouais. Non, c'était trop bien. En vrai, même la dernière fois, c'était cool. C'était un peu beaucoup politique presque en fait, finalement. Ouais. Mais ouais, c'était chouette. Mais putain, qu'est-ce que ça fait plaisir d'y retourner quoi. Prends ça, Bloodlust, voilà. T'as été remplacé par beaucoup mieux. Et puis c'est tout. Mais non, mais c'est un univers plus qu'un jeu. Je sais pas comment dire. C'est un truc qui colle moi avec mes. Moi, je m'y sens très à l'aise. Donc, cool, cool, cool. Et... Bon, eh ben allez. Ciao. Congratulations. Salut les gens. Et bisous. Au revoir.